إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع درسنا في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح شيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. La fois passée, on avait parlé de l'iman, de la foi. On avait dit que pour vraiment يعني faire le tawhid, pour faire l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, que le vrai iman, c'était de faire quatre choses. Le tawhid dans quatre choses. On avait dit tawhid awalan rububiya, ensuite tawhid l'uluhiya, ensuite tawhid l'asma ou sifat, et avant cela on avait dit que bien sûr il fallait attester que Allah subhanahu wa ta'ala yani existe. Ensuite on fait le tawhid. Le mot Allah subhanahu wa ta'ala existe, en arabe on dit mawjoud, Allah subhanahu wa ta'ala mawjoud. Mais ce mot mawjoud, quand on dit mawjoud, yani cet adjectif, en arabe, il fait un peu de problème et d'ambiguïté. Parce que quand on dit là une chose, mawjouda existe, ça veut dire que qu'elle doit avoir été existée. C'est pour ça que certains ulama ont dit, lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de préférence on ne dit pas mawjoud, parce que chaque mawjoud a son wajid, a celui qui l'a fait exister. Donc quand tu dis mawjoud, ça veut dire yani existe ou l'a existé. Ils ont dit de préférence, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit l'wajid, on ne dit pas le mawjoud, on dit l'wajid. Mais les ulama, des fois, ils sont obligés d'inventer quelques mustalahat, yani des noms comme ça, même des phrases, etc. Spécialement, pourquoi? Parce que les mubtadi'a, les innovateurs, inventent des mots, inventent des phrases, inventent des mustalah, comment on dit mustalah en français, des mots techniques, ils inventent des mots techniques. Alors, tu es obligé de, les ulama disent, on est obligé d'inventer nous aussi des mots pour les contrer. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'inventer le mot ba'in, par exemple, ba'in. Le mot ba'in, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, ni les sahaba. Ba'in, ça veut dire séparé. Allah Azza wa Jalla est séparé du monde. Personne n'a dit que Allah est séparé, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba n'ont employé ce mot ou ce verbe séparé. Mais les salafs l'ont employé quand les mubtadi'a ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala est unifié au monde. Et tout ça, c'est Allah. Tout ce que tu vois devant toi, c'est Allah. Les arbres, les oiseaux, les cieux, tout ça, c'est Allah. Donc, alors quand ils ont yani, inventé et innové le mot hada, yani, que Allah Azza wa Jal yani, est unifié, les salafs ont inventé le mot ba'in, yani, séparé. Donc comme ça, ils sont obligés des fois d'inventer certains mots à cause des innovateurs qui inventent des mots, c'est juste pour les contrer. Donc, maintenant on avait parlé des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala existait. On avait dit que les preuves, c'était l'aql, yani, la preuve mentale avec méditation, ensuite l'his, d'après ce qu'on sent, ensuite shara, yani, d'après le Coran et la sunna, etc., et ensuite le fitra, d'après la nature. On avait parlé, le premier dalil, c'était quoi? C'était dalil al-aql. On avait dit que yani, si seulement la personne s'assied et méditait seulement, yani, regardait à droite, à gauche, se méditait en elle-même, yani, elle trouverait que c'est impossible qu'elle ait été créée seule. C'est impossible. Et c'est impossible que tout cet univers yani, ait été créé seul. Ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'on a dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer les kuffars, les mécréants, en enfer, qu'est-ce qu'ils diront? Entre autres, ils diront وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si on entendait et si on avait fait yani, marcher un peu notre tête, on ne serait pas en enfer. Yani, notre cerveau, on l'a bloqué. Si on l'avait fait un peu seulement yani, marcher, on avait seulement un peu pensé, on ne serait pas ici en enfer. Pour prouver donc que yani, seulement avec la tête, seulement en pensant seulement, on peut être guidé. Yani, on peut être guidé au moins 50-60%. Ce n'est pas 100%. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous a donné le cerveau. Et c'est pour ça qu'il a interdit toute chose qui peut obstruer ou qui peut entraver le but de ce cerveau. Le cerveau, il a quoi? Il a une wazifa. Il doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit? Il doit être toujours conscient. Toujours fi halat sahou. C'est pour ça que c'est interdit l'alcool, c'est interdit la drogue. Toute chose qui peut l'obstruer, qui peut le gêner, qui peut l'entraver, qui peut ne pas le faire fonctionner, ne pas le faire bien fonctionner, toute chose est interdite en islam. On est toutes ces choses. Ensuite, on avait donné le délil de Abu Hanifa lorsqu'un groupe est venu lui parler. Et c'était des athées. Comment qu'il a su leur répondre en se basant sur le délil du navire. Le navire qui est venu seul, plein de marchandises, qui a amarré seul, ensuite qui a débarqué, il a fait descendre toute la marchandise seul et il est parti seul. Alors, vous connaissez le délil, on l'a parlé. Ensuite, maintenant, on va passer, inshallah ta'ala, au deuxième délil. Le deuxième délil, qui est le délil du chiss. Le délil du chiss. Le chiss, yani, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Yani, le chiss ou le mouchahada. Ça aussi, c'est un délil qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala existe, qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Avant cela, je n'oublierai pas de dire une chose très importante. Quand je venais de parler de le délil mental, yani, tu vois seulement yani, les créatures, ou là tu te vois toi-même, toi. Quand Allah a dit dans le Coran, « وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ En vos âmes, vous-même, en vos âmes, ne voyez-vous pas? Yani, regarde-toi. Toi, quand tu t'assois, regarde-toi. Regarde-toi comment tu as été créé. Regarde, yani, tes cheveux, tes yeux, ton nez, ta bouche. Et tu descends. Regarde jusqu'aux orteils. Yani, subhanallah, est-ce possible, yani, qu'on soit venu comme ça? On était quoi? Une goutte. On était une goutte dans un endroit. Et voilà que la goutte, yani, elle-même, elle s'est transformée. Elle a eu des yeux, un cœur, les veines, tout à l'intérieur, les intestins. C'est impossible. Yani, c'est pour ça que l'Azur nous dit, yani, en vos âmes, revenez en vos âmes, regardez-vous, ne regardez pas autre chose. Regarde-toi seulement comment tu as été créé. Yani, c'est possible que yani, toute cette perfection soit venue d'elle-même comme ça. Tu penses, tu parles, tu manges, tu bois, tu... Yani, comme ça, c'est venu. C'est impossible. C'est impossible qu'une goutte, de liquide, yani, devienne yani, une perfection comme celle-là. Regardez la femme, yani comment subhanallah l'adim, à l'intérieur de son ventre, elle mange, elle boit comme nous, à l'intérieur, elle a une usine. À l'intérieur de son ventre, elle a une usine, elle peut yani, enfanter et garder un enfant 9 mois à l'intérieur, il boit, il mange, il dort, la hawla wa la quwwata illa billahi l'adim. Ça c'est impossible, yani, l'insan, seulement un peu, yani, c'est pas la peine qu'il fasse d'efforts, seulement yani, il triche pas, il regarde seulement, yani, naturellement, il est obligé de dire que c'est impossible que la créature a dit ait été créée elle-même. Alors maintenant, s'il commence à regarder les cieux, s'il commence à regarder la mer, s'il regarde les nuages, s'il regarde la pluie, s'il regarde le soleil, s'il regarde, yani, ça ne va pas se terminer. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَقْ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ » Là, je l'ai dit, je leur montrerai mes signes et mes versets qu'il a fait, yani, dans l'univers ou en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent que yani, j'existe, que c'est vrai, etc. Nam, quiconque yani, regarde autour de lui et se regarde lui-même, il est obligé de dire c'est pas possible que je sois venu tout seul. هذا laisse tomber s'il regarde يعني les وسمو. S'il regarde par exemple les plantes qu'il y a, s'il regarde les couleurs des plantes, les couleurs des les fleurs, il regarde les roses, il regarde des choses. S'il va seulement dans un jardin, quelqu'un a un spécial, tu as des fleurs là, il lui montrez-moi les fleurs qu'il y a, les différentes fleurs, il va être étonné des couleurs, étonné. Il n'a vu qu'une seule chose. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? S'il va seulement aux eaux, il va voir certains animaux, il va être étonné. S'il voit seulement les couleurs qu'il y a dans les oiseaux, les couleurs qu'il y a dans les perroquets seulement, les couleurs qu'il y a, c'est ce qu'il a vu. Il y a des millions d'autres oiseaux et tout ça qu'il n'a pas vu, et d'autres fleurs qu'il n'a pas vu, et d'autres fawakih qu'il n'a pas vu, etc. Regardez seulement les fruits, subhanallah al-azim, les couleurs des fruits, le goût des fruits, les fraises, les ananas, la poire, les pommes, les grenades, les figues, comment ça change, subhanallah al-azim. C'est impossible, yani. C'est pour ça qu'ils disent que les athées, un athée, c'est presque impossible que ça existe. Parce qu'au fond du cœur, il doit reconnaître, comme a dit Allah Azza wa Jal, « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًا » Allah Azza wa Jal a dit, ils l'ont nié, c'est-à-dire ils ont nié mon existence, mais à l'intérieur de leur âme, ils savent que j'existe, ils savent, naam. Il sait qu'il y a quelque chose, c'est pas possible que ça soit. Mais il veut nier, il veut dire non, il n'y a pas et on ne croit pas. El Mohim. Ensuite, le deuxième délil que Allah subhanahu wa ta'ala existe, à part le délil premier, qui est le délil mental. Le deuxième, c'est le délil, ça s'appelle le hiss ou le mushahada. Ce que tu sens toi-même et yani, ce que tu vois aussi. Mais c'est surtout ce que tu sens. Il a dit ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, à rahmatullah, dans délil hiss. Naam, wa amma dilalat al hiss ala wujudillah, fa inna l'insan yid'u Allah azza wa jal, يقول يا رب ويدعو بشيء ثم يستجاب له فيه وهذه دلالة حسية. Il a pris comme exemple, يعني il a dit par exemple le doua. Il a dit comment? Des fois je fais un doua, ensuite je vois de mes propres yeux que Allah subhanahu wa ta'ala m'a exaucé. Non, tu fais un doua pour que le doua soit valable, bien sûr vous connaissez les conditions. Les plus grandes conditions c'est de ne manger ni haram, ne boire ni le haram, ni s'habiller au haram. Pour celui qui veut que son doua soit exaucé. Ensuite, il choisit les endroits, les moments opportuns, comme le adhan, comme la pluie, comme l'iqama, comme le djihad, comme le safar, comme le voyage, etc. Pour que ça soit yani, plus voué, inshallah ta'ala, à l'exaucement. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, regardez seulement le doua, il a dit, on fait des fois un doua, et Allah subhanahu wa ta'ala yani, nous exauce. Subhanallah, comment donc s'il n'existait pas, comment se fait-il, je viens de faire un doua et j'ai été exaucé. Et bien sûr, les doua, comme j'ai dit, c'est plus on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et plus nos doua sont exaucés. Et on ne peut être sincère que si on s'est éloigné du haram. Il est impossible que quelqu'un travaille dans un bar et qu'il dise par exemple, moi je fais des doua. Celui-là, c'est impossible. Pourquoi? Parce que lui-même, il est noyé dans le haram. J'ai dit pour que le doua soit exaucé, il faut au maximum s'éloigner du haram. Et lorsque tu t'éloignes du haram, au maximum, tu verras, inshallah ta'ala, il n'y a pas un doua qui ne sera pas exaucé. N'importe quel doua, tu le feras. Sauf si le doua est haram, parce qu'il y a des doua haram. Si tu fais un doua halal, n'importe quel doua halal, Allah subhanahu wa ta'ala te l'exaucera. Comme j'ai dit avec ces conditions. Avant le doua, tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite tu fais le doua. Maintenant, je donne un exemple de doua pour montrer que les douas sont exaucés et que pour que le doua soit exaucé, ce n'est pas une condition dans la personne qu'elle soit riche ou là qu'elle soit belle ou là qu'elle soit d'un milieu aisé ou là. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'une personne, yani, ash'af akbar, les cheveux comme ça, yani, levés, la poussière sur la barbe, même peut-être sale, mais s'il fait un doua, Allah Azza wa Jalla l'exauce. Pourquoi? Comme j'ai dit, d'après la sincérité et d'après la piété, et ce n'est pas d'après qu'on soit beau, ou là qu'on soit riche, ou là qu'on soit le fils de X. Maintenant, regardez par exemple Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, un sahabi qui est très connu, radiallahu ta'ala anhu, lorsque Omar, radiallahu ta'ala anhu, l'avait envoyé pour qu'il fasse la prière, yani qu'il guide les gens, non seulement il fasse la prière, et comme Wali, yani responsable, il avait envoyé comme responsable en Irak. Et Sa'd ibn Abi Waqqas était très connu que c'était un compagnon, radiallahu ta'ala anhu, quand il faisait un doua, il était exaucé. Quand il faisait un doua, il était exaucé. Alors, une fois, yani, une personne comme ça, Hassadan, qui l'a envié, qui yani, n'aimait pas Sa'd ibn Abi Waqqas, yani, a menti sur lui. Alors, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, quand on lui a dit que Sa'd yani, a des défauts, etc., etc., il l'a fait appeler. Il lui a dit, voilà, il y a des gens qui disent, yani, tu ne fais pas bien la prière quand tu les guides, etc., tu la fais vite, etc., des choses. Sa'd s'est défendu, radiallahu ta'ala anhu, a dit, bien sûr, tout cela, ce n'est pas vrai, etc. Omar, radiallahu ta'ala anhu, a reconnu, a dit, sahya Sa'd, hada dhanbik, yani, c'est ce que je pense de toi, inshallah ta'ala. Et puisque les gens en parlent, etc., je voudrais envoyer des gens, yani, pour vérifier, c'est tout. Yani, pour qu'ils ne disent pas, Omar, yani, radiallahu ta'ala anhu, yani, il n'a rien fait. Là, moi, j'envoie des gens yani, pour vérifier, etc. Inch'Allah ta'ala, khair inch'Allah. Lorsqu'il a envoyé des gens avec lui, il rentrait dans chaque mosquée et demandait qu'est-ce que vous connaissez sur Sa'd. Tous disaient, il est masha'Allah. Sa'd ibn Abi Waqqas, il est masha'Allah, ou yani, il n'y a pas mieux que lui, etc. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Koufa, Koufa en plein yani, Irak. Ils sont rentrés dans une mosquée. Ils ont demandé qu'est-ce que vous pensez de Sa'd. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Usama ibn Qatada. Hein, sa kunya c'est Abu Sa'da. Sa kunya c'est Abu Sa'da. Quand il a entendu l'autre dire qu'est-ce que vous pensez de Sa'd, il a dit Amma idna shattana, puisque tu nous as demandé de dire qu'est-ce qu'on pense de Sa'd ibn Abi Waqqas. Alors je voudrais te dire que Sa'd, yani, il a. Et Anne, il s'est éloigné du djihad. Il n'envoie pas les troupes pour faire la guerre sainte. Premièrement, il n'envoie pas les troupes pour faire la guerre, comme s'il voulait dire, il est occupé par le bas monde, etc. Wala yuqsimu bis-sawiya. Et deuxièmement, s'il a quelque chose à partager entre les gens, il fait du piston. Hein, peut-être celui-là, il lui donne, par exemple, hein, il lui donne 200 grammes d'or, celui-là, il lui donne 1 gramme. Allah al-Azim. La yassiru bisariya, donc, wa la yuqsimu bisawiya, et il ne partage pas avec égalité, wa la ya'dilu fil qadhiya. Et si jamais il juge entre deux personnes, aussi il n'est pas équitable. Il peut donner raison à celui qui a tort, il peut donner tort à celui qui a raison. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-Azim. Regardez l'ibtila, et regardez le bala, regardez les problèmes quand ils viennent sans qu'on les veuille. Hein? Sans qu'on les veuille, des fois les problèmes viennent. Et bien sûr, c'est la fitna. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, et c'est ainsi que j'ai fait certains gens, yani fitna pour d'autres. Est-ce que vous allez endurer? Est-ce que vous allez patienter? Chacun a une ou deux ou dix fitnas. Quelqu'un c'est son voisin, l'autre c'est son responsable, l'autre c'est sa mère, l'autre c'est ses enfants, l'autre c'est son père. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. Même les prophètes, Allah Azza wa Jalla a dit, même vous, je vous ai fait des amis des fitnas. Donc, Allah Azza wa Jalla a dit que yani, presque chaque personne a une autre personne qui est fitna pour elle. Donc, cette personne était fitna pour Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu. Mais quand Sa'd, radiallahu ta'ala anhu, a entendu cet homme dire ceci, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ama Allah. La ad'ouwanna bi thalath. Donc, puisque tu as dit ceci, Wallahi, je vais faire un dua, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala trois choses. Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma, in kana abduka hada kadiban, qama riya'an wa sum'atan. Mais avant de faire les trois dua, Sa'd qui est très intelligent et très, en même temps, très pieux. Hein? Très pieux. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, اللهم إن كنت تعلم اللهم عفوا إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة يا الله si cet homme, ça c'est le début du doigt, ya Allah, si cet homme s'est levé, kadiban, yani c'est un menteur, en même temps, sum'atan wariyan, et en même temps, yani devant les gens, pour qu'ils le voient, pour qu'ils disent celui-là, yani il parle, etc., etc., devant les gens, il défend, etc., yani il fait la ria, il fait la ria. Yani, regardez Saad qui est pieux, il a dit avant que je fasse les doigts, moi je sais que mes doigts vont être exaucés. Comme il savait, bien sûr. Il a dit donc, ya Allah, si cette personne est une menteuse, etc., moi je ne sais pas. Moi, c'est toi, ya Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait. Donc, si cette personne est une menteuse, et ce qu'elle a fait maintenant, elle a fait juste pour que les gens disent d'elle, c'est une bonne personne, etc., etc. Bon, voilà les doigts. Fa atil umura. Ya Allah, allonge sa vie. Laisse-le vivre beaucoup. Atil umura. Ou atil faqra. Et, yani, fait de lui, yani, l'un des plus grands pauvres. Atil faqra. Laisse, yani, sa pauvreté pour qu'elle soit longue, comme sa vie. Ou arridhu lil fitan. La troisième doua, et qui est plus grave, il a dit, wa arridhu lil fitan. Et fait de sorte qu'il soit plein de fitna. Fait de sorte qu'il soit plein de fitna. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Fa kana ba'd, et après, kana ba'd ida su'ila, yani cet homme, après 20 ans, après 30 ans, parce que quand on fait un doua, c'est pas, il y a obligé que Allah Azza wa Jal t'exauce la minute elle-même. C'est quand tu fais des doigts, il t'exauce dans 10 ans, dans 15 ans. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il exauce et quand est-ce que la chose te sera mieux quand elle sera exaucée. Peut-être il exaucera aujourd'hui, ça va te faire beaucoup de problèmes, beaucoup plus. C'est pour ça qu'il la laisse à une autre fois à 10 ans, à 15 ans. Lui, il sait quand est-ce. El Mohim, cette personne-là, quand on la voyait après 15, 20 ans, la personne sur laquelle il a fait un doigt, qu'est-ce qu'il disait cette personne, qu'est-ce qu'elle disait, on la voyait comme ça assise dans la rue, qu'est-ce qu'il disait, Sheikhoun Kabir, je suis un vieux Sheikhoun Kabir, Mftoun, plein de fitan. Comme ça, dans la rue, il disait aux gens, je suis un Sheikhoun Kabir, plein de fitan, Afabatni da'watu Saad. C'est le doigt de Saad qui m'a fait ceci. Naam, il reconnaissait, assis dans la rue, un vieux, peut-être 90, 95 ans, à cet âge-là, tout le monde voudrait mourir. Parce que de 90-95, halas, tu vis difficilement. C'est très difficile. C'est pour ça qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Asabatni da'wat Saad. Les doigts de Saad me sont arrivés. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de Saad qui m'a fait les doigts contre moi. Il y a Abdul Malik, radiallahu ta'ala anhu, il y avait quelqu'un qui a dit, il a dit, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Qadsaq, je l'ai vu dans la rue, assis. Qadsaqata hajibah, les sourcils, les deux sourcils, étaient tombés sur ses yeux. Tellement âgé, peut-être qu'il avait plus de 100 ans, yani les sourcils avaient caché ses yeux. Yani les sourcils, ils tombent, yani, khlas, on ne peut plus voir yani ses yeux. Tellement quelqu'un est vieux, il a dit, wa innahu, je le voyais, ses sourcils avaient caché ses yeux, tellement il était âgé. وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن لا حول ولا قوة إلا بالله. Il a dit, je l'ai rencontré, je l'ai vu dans la rue, les sourcils yani, qui étaient tombés sur ses yeux, tellement il était âgé. Il a dit, mais en même temps yani, chaque fille qui passe, une fille de 13 ou 14 ans, Jariya, il lui faisait des clins d'œil. Une fille de 13 ans qui passe devant lui, il lui fait des clins d'œil. Lui, il fait des clins d'œil à la jeune fille de 13-14 ans. Pourquoi? Parce que le doua, qu'est-ce qu'il a dit, Saad? Il a dit, ya Allah, remplis-le de fitan. Remplis-le de fitan. Il n'y a pas une plus grande fitna que de yani, mourir à l'âge de 90 ans, là, 95 ans, mourir alors qu'on aime toujours les femmes, on aime toujours la zina, on aime toujours les jeunes. Il aime la jeune de 13-14 ans qui passe devant lui, il lui fait des clients d'œil, ou là, comment ça s'appelle? C'est pour qu'il faut beaucoup avoir peur des doigts, yani, qu'ils sont moustajabins. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours fait peur des doigts de qui? Des doigts des parents. Des doigts des parents. Et vous connaissez très bien l'histoire de Jurayj. L'histoire de Jurayj, on l'a dit, inshallah, en son moment. Jurayj, radiyallahu ta'ala, Jurayj, rahmatullah, qui était en train de faire la prière et qui sa mère est rentrée, elle lui a dit, Jorej, il s'est dit, est-ce que je continue ma prière ou là, je réponds à ma mère. Elle a appelé la deuxième fois, Jorej, il a dit, qu'est-ce que je fais, Allah, je ne sais pas ce que je fais. La troisième fois, Jorej, il ne lui a pas répondu. Elle l'a dit, Allahumma, elle a fait un doua contre lui, elle l'a dit, Allahumma, la tumithu, hatta, tabtaliyahu bil mumithat. Subhanallah l'azim. Elle a dit, je ne veux pas qu'il meure jusqu'à ce que, ya Allah Ta'ala, tu lui fasses des fitnes avec les femmes, yani, les femmes de Jouahadou. Yani, je voudrais qu'il rentre dans cette fitna. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez la mère, des fois, quand elle s'énerve contre son fils, elle dit n'importe quoi. Alors, celui-là était en train de faire sa prière. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal a exaucé à sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une femme qui, plusieurs fois, elle voulait faire la zina avec lui. Il n'acceptait pas, tellement il était pieux, il passait son temps à faire la prière. Il n'avait même pas le temps de parler avec sa mère. Comment il a le temps d'aller faire la zina? Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est animée d'accord avec certains gens. Quelqu'un a fait la zina avec elle et il lui a dit, tu dis que le bébé Hada, c'est le fils de Jorej. Quand tu auras ce bébé, tu dis, c'est le fils de Jorej. Ensuite, quand elle a accouché, on lui a dit, c'est qui le bébé Hada? Elle a dit, j'ai fait la zina avec Jorej. Et celui-là, c'est son fils. Alors, tous les habitants de la ville se sont groupés et sont partis chez lui au minaret où il était. Il était dans un minaret, il faisait la prière. On lui a tout cassé. On lui a démoli la chambre et son minaret où il faisait la prière tout le temps, etc. Et on l'a frappé, bien sûr. On lui a fait des problèmes. Ensuite, il a dit, c'est quoi le problème? On lui a dit, tu as fait la zina avec cette femme et voilà ton fils. Il a dit, ramenez-moi le fils Hada. Il avait bien sûr l'enfant, il avait peut-être un mois ou les 15 jours. Il a mis son doigt sur le ventre du bébé, qui avait un mois, ou peut-être moins, peut-être un peu plus. Il a dit, qui est ton père? Et le bébé a parlé, il a dit, mon père, c'est X, qui a fait la zina avec celle-là. Alors, quand les gens ont entendu un bébé, et c'est l'un des 5 bébés qui ont parlé dans le monde, il y a 5 qui ont parlé, l'un c'est 2, Isa alayhi salam, et Hada c'est l'un des autres, l'un des 5 autres. Quand les gens ont entendu un bébé d'un mois parler et dire « c'est pas celui-là mon père, X c'est mon père », ils ont su qu'ils se sont beaucoup trompés et que c'était quelqu'un de pieux, etc. Et ils lui ont demandé « est-ce que tu veux qu'on construise ta maison qu'on a démolie, ton minaret, en or ?» Il a dit « non, je veux que vous la construisiez comme elle était auparavant, avec de la terre et de l'eau, yani de l'argile, c'est tout, avec de l'argile ». Bien sûr, le hadith est dans le Bukhari et dans le Muslim aussi. Les ulama ont dit, regardez, Jorej n'a rien fait. Il était en pleine prière. Où est sa faute? Sa mère seulement l'a appelé. Il a préféré la prière à sa mère. Alors qu'il était en train de faire, les ulama ont dit, il était en train de faire une prière surérogatoire, nafila. Nafila, tu la quittes pour aller parler avec ta mère. Yani, obéir à ta mère est beaucoup plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala que tu fasses une prière nafila. Donc, toi, tu t'es détourné de ta mère, tu n'as pas voulu te voir, alors Allah Azza wa Jal a fait, t'as tourné vers les femmes, les pourries, etc. Yani comme supplice pour que tu saches que si une mère ou un père fait un doua contre son fils, les ulama ont dit, ce doua sera exaucé même s'il n'est pas fautif. Pardon, non, même s'il n'est pas fautif. Toi, tu n'as rien fait. Tu faisais seulement la prière. Et ta mère va faire un doua contre toi. Allah Azza wa Jalla va exaucer son doua. Mais les ulama ont dit, mais il va quoi? Il va yani, te sauver. Comme il a sauvé ici Jorej, et ils lui ont dit, on va te construire yani, une maison d'or. Elle était en terre, on va te la rendre en or. Et il n'a pas accepté. Donc, quiconque, des parents font un doua contre un enfant, les ulama ont dit, il va être exaucé, mais Allah Azza wa Jal, dans tous les cas, Inch'Allah Ta'ala, il va sauver cette personne si elle est pieuse, etc. Juste pour montrer aux parents que vos doigts sont exaucés. Sauf bien sûr, sauf si eux, bien sûr, sont dans la faute. Si eux, ils font des doigts qui sont haram, etc., non. Et si la mère a demandé seulement à son fils de lui parler, c'est tout. Et si quelqu'un, ton père, il va faire un doua contre toi, tu n'as rien fait, il va dire, je voudrais que mon fils se brûle, ou je voudrais que mon fils yani, soit atteint de cancer, etc. Alors que toi, tu n'as rien fait. Non, c'est pas ça. C'est lorsqu'il te demande quelque chose que Allah a demandé de faire et que toi, tu ne veux pas faire. Maintenant, on revient où on était. On avait dit que, non, ça c'est le deuxième délil. Le deuxième délil, c'est que quand on est pieux, on fait un doua et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a exaucé le doua. Le troisième délil, non. Ensuite, aussi, Cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas donné ce que je disais de Sa'd ibn Abi Waqqas et de ce que je disais de Jouraïd. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah, a donné l'exemple de quelqu'un au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en plein Jumu'ah. Il guidait, il faisait la khutbah du Jumu'ah sur le mimbar. Quand quelqu'un est rentré, il a dit, Ya Rasulullah, halakat al-amwal wa inqata'at subul, fad'u Allah lana yurithuna. Quelqu'un est rentré, il a dit, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, tout ce qu'on a comme troupeau, tout ce qu'on a, yani, les chameaux, etc., vont bientôt mourir. Yani, tellement il n'y a pas d'eau, tellement on est assoiffé, tellement ça fait longtemps que la pluie n'est pas tombée. Il a dit, Udru Allah ta'ala nyurithana. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse descendre la pluie. Vous remarquez que il est permis à quelqu'un de parler directement avec celui qui est sur le mimbar. Mais il n'est pas permis que tu parles avec ceux qui sont et qui font la prière avec toi. Mais tu rentres à la mosquée, il y a quelque chose, tu parles directement avec celui qui fait le mimbar. Tu te lèves, tu te dis, salam alaykoum, vous avez dit ceci, ceci, j'ai pas compris. Ou là, pourquoi vous avez dit ceci? Ou là, pardon, ceci, cela. Avec lui, c'est permis. Ce n'est pas permis avec les gens, avec ceux qui sont assis. Celui-là a parlé direct avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le rapporteur du hadith a dit, Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, il a dit, Wallahi, ma fi sama'i min sahabin, wala qazar. Wallahi, lorsque ce compagnon avait fait ce vœu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, il n'y avait dans le ciel parce qu'il pouvait voir le ciel. Il n'y avait pas, il ne s'était pas caché par en haut. Tout juste qu'il y avait un peu de palmier ou là un peu d'arbre, de tronc d'arbre sur leur tête. Il a dit, j'ai vu dans le ciel, wallahi, c'était clair, bleu ciel. Il n'y avait ni nuage, ni même pas un nuage, même pas un. Il a dit, hasard, même pas un morceau de nuage. Ensuite, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les mains et il a commencé à faire le doua. Il a commencé à faire des doua, yani doua, ce qu'on appelle doua, istisqa. Il a dit, à la minute elle-même, il a dit, wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas descendu les mains. Mais elle, il a levé les mains et il est en train de faire les doua. Qu'en même temps, on a regardé, on a vu des nuages venir, s'approcher. Ensuite, les nuages se sont stationnés au-dessus de nos têtes. Ensuite, on a entendu le tonnerre. Et ensuite, on a vu le berk. Et ensuite, la pluie a commencé à descendre. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore descendu ses mains, ses bras, que la pluie coulait déjà de sa barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a même pas terminé le doua. Il a demandé la pluie. Il n'a même pas terminé. Ses bras sont levés vers le ciel. Que la pluie déjà est née, les nuages sont venus, le tonnerre, la pluie s'est devenue noire, sombre. Ensuite, sa barbe a commencé à couler de pluie, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, est-ce que ça c'est possible qu'il n'existe pas Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fasse un doua et là, deux ou trois minutes après, yani, notre barbe commence à couler d'eau? C'est impossible. Il a dit, c'est impossible. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, la troisième des choses, il a dit, cette fois, il a dit, al-fitra, nan, la nature, de la nature, yani al-fitra, de la nature elle-même, on peut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. C'est pour ça que chaque personne, qu'Allah azza wa jalla a créé, il l'a créé à al-fitra, il l'a créé à l'islam, soumise à Allah. Si vous prenez un bébé le jour où il naît, il sort du ventre de sa femme, on le prend, on va le laisser, yani loin des gens, dans une chambre, il n'aura de contact avec personne. On lui donne seulement à manger et à boire comme ça de loin. Il ne voit ni quelqu'un, ni parle avec quelqu'un. Celui-là, lorsqu'il sera grand, yani, il sera musulman. Naam. Il dira direct, il reconnaîtra direct qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Il ne saura pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam existe, mais il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Pourquoi? Parce que Allah, quand il crée une personne, il la crée direct à l'al-fitra, direct musulman. Ce sont les parents qui font de lui un juif, ou bien un chrétien, ou bien un majusi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih. S'il n'y avait pas les parents, s'il n'y avait pas le père et la mère qui le guidaient, bien sûr, dans l'autre route, qui le déviaient, il serait direct musulman. Il serait direct. De là, on va savoir quoi? Savoir qu'on a une très très grande, et les parents ont une très très grande responsabilité envers les enfants. Pourquoi? Surtout à l'âge avant la puberté. Surtout à l'âge 5, 6, 7 ans, où il ne connaît rien. C'est un, yani, tu le moules comme tu veux, toi. C'est de la pâte à modeler. La pâte à modeler. Tu veux le prendre à l'église, tu le prends à l'église. Tu veux le prendre à la mosquée, tu le prends à la mosquée. Tu veux lui dire la ilaha illallah, tu veux lui dire il y a trois. Il y a trois, il n'y a pas un. Il va te dire, ça, ce que tu as dit, c'est vrai. Donc, c'est à ces moments qu'on profite pour qu'on apprenne à nos enfants le tawhid et pour leur apprendre, yani, au moins les choses essentielles. Au moins les choses essentielles. Et ce n'est pas du matin au soir, il est, on fait la télévision en train de voir les dessins animés. Du matin au soir. Les dessins animés, s'il les voit, il a des moments. C'est pas du matin, yani du 8h du matin jusqu'à peut-être 8h du soir en train de voir les dessins animés et on ne lui apprend rien. On ne lui apprend rien. Et ensuite, on va dire, nous, nos enfants, Allah, yani, Allah ne les a pas guidés. Et nous, nos enfants, yani, ce sont des voyous, là, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas pratiquants. Ils sont... Non, tu lui as rien donné, toi. Toi, tu n'as rien fait pour le guider. Toi, tu ne l'as pas aidé. Quand je dis toi, moi aussi, hein, moi aussi. Ça veut dire, nous, on ne l'a pas aidé, on ne l'a pas guidé, on n'a rien fait pour lui. Ensuite, on lui demande des choses. On lui demande pourquoi tu n'es pas ainsi, pourquoi tu ne fais pas la prière à l'heure, pourquoi. On ne le gronde jamais pour la prière. On le gronde seulement s'il n'est pas le premier à l'école. S'il ne travaille pas bien à l'école, on le gronde et on ne lui parle pas. Mais s'il ne fait pas la prière à l'heure, ce n'est pas important. Ou là, s'il ne la fait pas, ce n'est pas important. S'il dit des choses, yani des gros mots, c'est pas important. L'essentiel, c'est que il doit être le premier à l'école. Hada aussi, c'est une faute. Hada aussi, c'est une faute. C'est bien qu'il soit le premier à l'école. C'est bien, ça va l'aider, inshallah ta'ala, quand il sera à la fac, il aura des diplômes, mashallah alayh. Mais ça ne doit pas, yani, le gêner pour que, en même temps et parallèlement, pour que lui apprenne le din. D'ailleurs, le din, c'est beaucoup plus demandé que la fac. Parce que, il peut aller à la fac et aller à Jahannam. Mais quand il connaît le din, même s'il ne va pas à la fac, il ne va pas à Jahannam. Voilà la différence entre les deux. Ensuite, il a dit, Naam. Vous savez que Allah Azza wa Jalla, quand il nous a créés, il a essuyé le dos de Adam alayhi salam et il a fait sortir toute sa progéniture, tous ses enfants. Tous ses enfants, il a fait sortir Allah Azza wa Jalla du dos de Adam lorsqu'il l'a créé. Parce qu'il a dit dans le Coran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Donc Allah Azza wa Jal, il a essuyé le dos d'Adam avec sa main droite et il a fait sortir tous ses enfants. Ensuite, il les fit témoigner. Ne suis-je pas votre Seigneur? أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Ils répondirent, si, si, Bala, c'est toi notre Seigneur. Allah Azza wa Jalla leur a dit, yani, أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّ عَنْ هَذَا غَفِلِينَ. Attention que le jour du jugement dernier, vous allez dire, yani, on ne savait pas, ou là on a oublié, ou là on était distrait, ou là on était dedans. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, vous n'avez pas, yani, de œuvre, vous n'avez pas de raison. Parce que nous tous, quand on était sur le dos d'Adam alayhi salam, nous tous, on a fait le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on devait lui obéir. Mais Allah Azza wa Jal, qui est le très très miséricordieux, et il sait qu'on allait oublier, et il sait que ça fait très très longtemps cette chose, il sait que, yani, s'il allait seulement nous demander cette chose, il sait que tous on va aller à Jahannam. C'est pour ça qu'il nous a aidés. Qu'est-ce qu'il nous a donné la deuxième chose? En deuxième chose, il t'a donné le aql, il t'a donné le cerveau. Il t'a donné le cerveau et il t'a laissé que tu deviennes puber. Il t'a dit, quand tu es enfant, même avec le cerveau que je t'ai donné pour me connaître, ma'alish, tu fais des péchés, je ne les compte pas pour toi. Je ne compte que les hasanat. Quand tu n'es pas puber, je ne compte que les hasanat. Quand tu es puber, khalas, yani, la femme, elle commence à voir les monstres, par exemple, et l'homme, il a la djennaba. Maintenant, tout ce que tu dis, ou là tu fais, que l'azul n'aime pas, rentre dans les CIS. Il commence à être compté. Mais maintenant, tu as un cerveau. Pourquoi? Parce que, après la puberté, notre cerveau est assez, et alhamdoulilah, on est assez conscient. C'est pas comme un enfant qui il est inconscient. Maintenant, à 14, 15, 18, 20, plus on grandit, plus on a de la conscience. C'est pour ça qu'on dit on mûrit. On dit celui-là, il est mûr. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, quand il envoie les prophètes, il les envoie à l'âge de 40 ans. On dit à 40 ans, on est mûr. 40 ans, on est mûr. Maintenant, Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu nous faire entrer en enfer par le premier acte, mais il nous a ajouté le cerveau. Il t'a donné le cerveau, il t'a dit, voilà, le cerveau réfléchit avec lui, etc. Tu seras, Inch'Allah Ta'ala, guidé. Mais Allah Azza wa Jalla ne s'est pas suffi aussi au cerveau. Il a ajouté, il a envoyé les prophètes. Si Allah Azza wa Jalla voulait, sans les prophètes, le jour du jugement dernier, il te dira, toi, pourquoi tu n'as pas fait la prière, pourquoi tu ne m'as pas adoré, ou là, tu lui dis, Allah Ta'ala, il te dit, tais-toi, je t'ai donné un cerveau, tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal. Regarde à droite, à gauche, lève la tête vers les cieux, etc. Tu sais que j'existe. Tu n'as aucune raison. Mais Allah Azza wa Jalla est le très miséricordieux. Il a envoyé les prophètes. Il a descendu, fait descendre des livres. Il y a des ulamas. Il y a des doros. Yani maintenant, personne n'a une cause. Personne ne peut dire, yani yom al-qiyama, que je ne savais pas ou là, je n'ai pas entendu. Là. Allahumma, sauf ceux qui vivent, par exemple, en Amazonie, ou là, ceux qui yani, ont vécu dans, yani, en un temps où il n'y avait pas de prophète. Ou bien ceux qui sont malades, les fous. Ou bien hadou, ceux qui n'ont pas yani, des attardés mentaux. Hadou, tout cela ont bien sûr une raison. À part cela, personne n'a le droit de dire par exemple, yani, je ne savais pas qu'il y avait l'islam, je ne savais pas que ceci ça se faisait, ceci ça ne se faisait pas. Allahumma, sauf les choses bien sûr, les choses que ne connaissent que les ulama, les choses comme ça un peu détaillées et difficiles, mais les grandes choses comme ça, les piliers, etc. Maintenant, tout le monde doit les connaître. L'islam est très répandu, l'islam est partout, à la télévision, à la radio, à l'internet, où tu vois, les mosquées, etc. Yani maintenant, personne ne doit dire, je ne savais pas qu'il y avait l'islam, etc. El-Mohim. Ensuite, il a dit, quatrièmement, c'est dalalat al-shara. Shara, yani, maintenant on avait parlé premièrement dalil mental. Ensuite, on a parlé du chis, ce que tu vois, ce que tu regardes. Troisièmement, la fitra, la nature. Quatrièmement, il dit, dalil shara. Shara, yani, quand tu vois cet islam qui est venu spécialement, l'islam c'est quoi? C'est spécialement, il te veut le bien et il veut éloigner de toi le mal. C'est ça, yani, la conclusion de l'islam. L'islam, qu'est-ce qu'il veut de toi? Il te veut tout ce qui est bien. Et il éloigne de toi tout ce qui est mal. Yani, yajlibul masalih wa yadfa' al mafasid. Toute chose qui est maslaha, qui est bien fait, la zoulul te la veut, il te la donne. Tout ce qui est mafsada, toute chose qui fait mal, qui te fait mal à toi ou à autrui, autrui la zoulul ne l'aime pas. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Yani, ni tu te fais mal à toi, ni tu ne fais mal à un autre. Et regardez Allah Azza wa Jalla ce qu'il a dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Il vous est venu, je vous ai envoyé un prophète de vous-même, pas d'un autre, de vous-même, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ. Il vous est venu un prophète, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ, yani, il n'aime pas les choses qui vous font mal. Yani, la chose qui fait mal sera Aziz Ali, il n'aime pas. Harisun alaykum. Il vous veut, yahris, il est soucieux pour les choses que, yani, qui vous plaisent et qui sont le bien pour vous. qui sont en islam. En islam, toute chose qui fait mal est interdite. Toute chose qui fait du bien, sera Allah Azza wa Jalla l'aime. Allah Azza wa Jalla. Donc, l'islam est venu pourquoi ? Pour ton grand bien. Quand tu es musulman, tu vis ici une vie parmi les meilleurs. Tu es l'un ou l'un des plus heureux. Non, pourquoi ? Parce que tu as connu Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as cette chose en son cœur, en ton cœur, qui yani, fait toujours ton cœur battre. Il bat spécialement pour Allah subhanahu wa ta'ala, car tu sais que tu le vas rencontrer. Tu sais que ça va se finir. Tu sais que voilà ce qui t'attend demain. Mais l'autre, miskin, l'autre, il vit égaré. Il ne sait pas pourquoi il vit. C'est un grand, grand supplice. Azab, azab kabir, quand tu ne sais pas pourquoi tu vis. Rappelle-toi seulement, avant le repentir, quand tu étais dans l'autre monde, pour ceux qui étaient dans l'autre monde. Rappelez-vous, où alhamdoulilah qu'Allah nous a guidés, on ne soit pas mort quand on était dans l'autre chemin. Yani, comment les gens vivent dans l'autre chemin? Ils vivent dans l'obscurité. L'obscurité totale. Obscurité du cœur, une obscurité entre les yeux, toujours les soucis, toujours yani, dégoûté, toujours ils ne se sentent pas bien. Si tu te sens bien, 5 minutes, à 23h et quelques, tu n'es pas bien. Tu te sens bien une demi-heure, toute la journée, tu n'es pas bien. Tu te sens bien une semaine, deux mois, tu n'es pas bien. Tu as toujours quelque chose de gros sur ton cœur. Quelque chose. Mais quand tu deviens musulman et quand tu deviens pratiquant, je ne parle pas des musulmans qui insultent Allah et qui boivent l'alcool et qui font la zina, je ne parle pas de cela. Je parle des vrais musulmans, des pratiquants. Ceux qui, yani, jamais, au grand jamais, ils n'oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il pense à lui beaucoup, beaucoup. En chaque chose qu'il fait, il se dit, est-ce que Allah Azza wa Jalla aime que je fasse cette chose ou ne l'aime pas? Est-ce que Allah Azza wa Jalla est réjoui de moi? Il n'est pas réjoui. C'est ça le vrai musulman, le vrai pratiquant. Celui qui a connu l'islam et a aimé Allah subhanahu wa ta'ala, avant de se gratter les cheveux, il veut se gratter les cheveux, avant de se gratter, il a toujours cette question. Est-ce que cette chose l'aime Allah ou l'aime pas? Toujours ces deux questions. Avant de faire une chose, est-ce que Allah aime cette chose ou il ne l'aime pas? Ça, c'est un délil de ta sincérité. C'est un délil que ton cœur est vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ceux qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'ils ont des problèmes. Certains musulmans et beaucoup ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que quand ils ont des problèmes. Quand ils ont des problèmes, commencent à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils éloignent d'eux le cancer et les grands problèmes. Mais quand ils sont bien, ils ont de l'argent, ils sont en bonne santé, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ils n'ont pas besoin de lui. Ils l'oublient. Ils ne le connaissent que lorsqu'ils ont des problèmes. Et c'est exactement ce que Allah n'aime pas. C'est exactement ce que Allah n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta'arraf alayhi fi raha, ya'arifka fi shidda. Le prophète alayhi wa sallam a dit, connais Allah subhanahu wa ta'ala quand tu es fi raha, quand tu es bien, quand tu as de l'argent, quand tu es en bonne santé. Là, connais Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lui, il te connaîtra quand tu seras pauvre, quand tu seras dans les machakil, quand tu seras malade. Naam. C'est pas le contraire. Maintenant, les gens font le contraire. Quand ils sont bien, masha'Allah, ils oublient Allah et astaghfirullah, ils disent, on n'a pas besoin de lui. Et quand ils ont des machakil, des problèmes, ils reviennent vers lui comme font les kuffars. Le kafir, quand il est dans la barque, il sait que khlas, il va se noyer, la tempête, etc., il va lever les bras, oh Dieu, oh bon Dieu, sauve-moi, etc. Ça, c'est le kafir. Donc, nous, on ne doit pas ressembler au kuffar. Le kafir ne connaît pas Allah quand il est bien. Il connaît seulement quand la barque va se noyer. Nous, on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala du matin jusqu'au soir, chaque jour. Et un jour avec le jour, ça donne un mois avec un mois, ça donne une année. Ensuite, tu l'auras connu toute l'année. Depuis que tu te lèves le matin, tu dis « Alhamdoulilah, alladhi ahyana ba'dan amatana wa ilayhi an-nushur », tu commences à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas boire le café, bismillah. Ensuite, ce café, il est acheté avec de l'argent de halal, inshallah. Ce n'est pas l'argent du bar, ni l'argent du tiercé. Alhamdoulilah, c'est l'argent de halal. Donc, tout est halal. Tu vas mettre tes vêtements qui sont halal. Tu vas aller au travail qui est halal. Dans le travail, tu vas rester avec des gens de halal. Et pas des gens qui parlent de la zina et qui parlent de certaines choses. Non, tu restes seulement avec les gens qui parle halal. Je ne suis pas obligé de rester avec les gens qui parlent le haram. Je ne suis pas obligé. Je peux me lever, je dis salam alaikum, j'ai rien à faire. Et je vais dans mon bureau, là, dans ma chambre, et je reste seul. Je reste seul avec Allah subhanahu wa ta'ala en train de méditer. C'est ça le halal, je ne reste pas avec des gens qui parlent dans le haram. Ensuite, ainsi, jusqu'à ce que tu reviennes le soir, et alhamdoulilah, tu manges, tu t'assois, tu parles avec les enfants, avec ton mari, avec je ne sais pas qui, tu vas ensuite à ton lit, tu dis alhamdoulilah, tu fais les doigts, et voilà, tu as passé une journée avec Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, en faisant la prière à l'heure, etc. Maintenant, si tu meurs de cette façon, incha'Allah ta'ala, tu es parmi les meilleurs qui vont rencontrer demain Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais chaque jour ceci, c'est comme ça que tu mourras. Car Allah Azza wa Jalla a dit, il nous a dit, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ne mourrez que musulmans. Subhanallah, tu vas dire comment? Moi je me commande, moi je ne sais pas comment je vais mourir. Non, tu te commandes, naam. Toi, quand du matin au soir tu te surveilles, tu ne mourras que musulmans. Parce que du matin au soir, tu te surveilles. Maintenant, si tu te laisses aller, ça, tu peux mourir, je ne sais pas comment. Mais si tu te surveilles du matin au soir, est-ce que cette chose l'aime Allah ou l'aime pas? Non, cette chose, il l'aime pas, je m'en éloigne. Oui, cette chose, il l'aime, je vais la faire. Comme ça, du matin au soir, tu es comme ça, tu ne peux mourir que dans la chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et si maintenant, tu te laisses aller, tu te dis, moi, je m'en fous, ah, je vis ma vie, comme disent les gens, ah, là, je ne sais pas, peut-être on meurt dans un bar, peut-être qu'on meurt dans un dancing. Non, on ne sait pas où on va mourir. Quand on surveille, on demande à Allah de nous aider. Allah Azza wa Jal aime ceux qui l'aiment. Aime ceux qui veulent le paradis. Aime ceux qui veulent se rapprocher de lui. Aime ceux qui veulent se repentir. Aime ceux qui veulent, ceux qui regrettent le passé. Aime ceux qui veulent se rapprocher beaucoup de lui. Ceux-là, il les aide. Les autres, il ne les aide pas. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Tout cela, Allah a dit que je ne les guide pas. Inna Allah la yahdi man huwa kadhdhab. Inna Allah la yahdi man huwa mutakabbir. Tout cela, Allah a dit, cela, je ne les guide pas. Seulement, Allah guide les gens qui aiment cette chose. Allah n'aime pas forcer quelqu'un. Toi, regarde, un exemple facile et simple. Toi, quand quelqu'un te donne quelque chose, naam, jazakallahu khair. Toi, quand quelqu'un, par exemple, te fait quelque chose ou là, et tu sens que ce n'est pas, yani, il ne l'a fait pas avec bon cœur. Là, tu lui dis, arrête, barakallahu, j'ai pas envie de cette chose, prends-la. Naam. Il ne te la donne pas avec bon cœur. Il te la donne, tu sens qu'il est, yani, comment on dit en arabe, mchennef, il est que, khalas, jazakallahu khair, j'ai pas envie de cette chose, prends-la. Allah Azza wa Jalla, il met l'ala. Allah Azza wa Jalla, il veut quand tu fais la chose, tu l'as fait toi, de plein gré. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui voudrais la faire. Tu voudrais plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je n'aime pas que les gens viennent avec les chaînes. Avec les chaînes et ils vont rentrer en islam. Yanné, toi tu vas prendre quelqu'un, tu lui mets un revolver sur la tempe, tu lui dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou bien je te tue. Là, je n'aime pas cette personne. Il ne t'a pas demandé ceci. Il a dit la ikraha fid din. Il a dit non, en islam il n'y a pas cela. En islam, j'aime que la personne elle-même se soumette d'elle-même. Elle dise, j'aime que la personne dise, Ya Allah, tout ceci pour moi ne vaut rien devant ce que tu vas donner, tu vas me donner demain quand je vais te rencontrer, demain ce qu'il y a au paradis, demain ce qu'il y a, tu vas m'éloigner de l'enfer. Tout ce bas monde ne vaut rien pour moi, Ya Allah. Maintenant, j'ai décidé de faire le repentir et de laisser ces choses, yani, sauf bien sûr les choses dont j'en ai besoin, mais de ne plus courir, yani, vers ce bon. Je voudrais revenir vers toi, je voudrais faire le repentir. Là, je dirai, ah, d'accord, maintenant c'est toi qui as voulu, c'est de ton plein gré. Je n'aime pas que quelqu'un vienne de force, on le force. Je voudrais qu'il vienne de lui-même, il vient soumis. C'est comme ça que l'azul descendra dans ton cœur, la sakina, et descendra le bonheur, et descendra, toutes les choses. Donc, maintenant, il reste 5 ou 10 minutes. Je préfère m'arrêter là parce qu'il va rentrer dans quelque chose de nouveau qui s'appelle le malaïka. Il va parler des malaïka, l'iman, la foi en les anges. La foi en les anges. On laissera, inshallah ta'ala, le dars de la foi en les anges pour la prochaine fois. Je m'arrête là, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Quelqu'un a dit comment on fait la salat al-witr, ses conditions, est-ce que c'est comme les autres salats, etc. La salat al-witr, inshallah ta'ala, on va la laisser, lorsqu'on va parler de la salat, inshallah ta'ala, en détail. Mais je dirais en général que la salat al-witr, c'est ce que tu fais après le Isha. Quand tu termines la salat al-Isha, tu fais deux rak'at, ça s'appelle rawatib, les gens appellent communément, ils disent shafa. Nous, on l'appelle Ratiba. Tu fais Ratiba de la Isha. Ensuite, tu fais l'huître. Ou bien une, ou bien trois, ou bien cinq, ou bien sept, ou bien neuf, ou bien onze, jusqu'à treize. Tu peux les faire tous, toutes, d'entrée. Tu peux t'asseoir à chaque, par exemple, cinq, et tu dis salam alaykoum. Sept, et tu dis salam. Neuf, tu dis salam. Trois, tu dis salam. Tu es libre, tu fais comme tu veux, inshallah ta'ala. Pouvez-vous expliquer la hijama? Est-ce juste pour les hommes? Et à quelle période peut-elle se pratiquer? Est-ce seulement si on est malade? La réponse, inshallah ta'ala, la hijama, c'est les hommes et la femme qui le font. C'est pas obligé de, yani que ce soit seulement l'homme. L'homme peut la faire et la femme peut aussi la faire. Bien sûr, elle a la hijama, elle a des jours. De préférence, on l'a fait le 17, 19 ou bien le 21 de chaque mois arabe. Je parle des mois, bien sûr, en arabe. De préférence, on l'a fait le 17e jour ou bien le 19e jour ou bien le 21e jour des mois en arabe. Et de préférence, on l'a fait, il y a des jours où on doit la faire. Et des jours où on ne doit pas la faire. De préférence, on peut la faire le jeudi et le vendredi. Bon, il y a des jours où on l'a fait, des jours où on ne la fait pas. Les meilleurs jours où on l'a fait, c'est jeudi, lundi et mardi. Et les jours où il ne faut pas la faire, c'est le vendredi, samedi, dimanche et mercredi. Et bien sûr, des fois, ça tombe le mouafaqa, des fois le jour concorde avec la date. Par exemple, les meilleurs jours, c'est jeudi, lundi, mardi. Des fois, jeudi, c'est un 17. Des fois, le mardi, c'est un 21. Des fois, le lundi, c'est un 19. Si le jour concorde avec la date, c'est encore mieux. Ça s'appelle mouafaqa. Et la femme aussi peut la faire. Elle est faite surtout, pourquoi? Pour la vakira. Ceux qui ont une mauvaise mémoire, ceux qui ne se rappellent pas beaucoup, ceux qui oublient vite, ceux qui ne peuvent pas prendre le Coran, etc. Ceux-là, s'ils font la hijama, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même quand il est monté, subhanallah al-azim, quand il a fait l'ascension, le mi'raj, il a dit, à chaque fois que je rencontrais un groupe d'anges, il me disait, n'oublie pas de faire la hijama, ou là, n'oublie pas de dire à ta nation de faire la hijama. Est-ce qu'une femme peut demander le divorce si son mari veut se marier alors qu'elle ne l'a pas cité lors de la muqabala? Et si on a peur d'être injuste envers la co-épouse, etc. En principe, quand la femme n'a pas posé ça comme condition, en principe, elle ne demande pas. Mais maintenant, si elle sent qu'elle ne peut plus ou là, elle peut demander à son mari, yani la séparation, comment je dirais, à l'amiable. Elle sent que classe, elle ne peut plus. Elle est très jalouse, elle est je ne sais pas quoi, elle sent qu'elle va tomber malade, etc. Elle demande à son mari s'il veut, pourquoi il ne fait pas. Alors Allah yaqoya, va faire ta vie avec une nouvelle, Inch'Allah, que Allah azzawajal vous aide, etc. Mais yani, si tu peux, yani, laisse-moi tranquille chez mes parents. Elle demande comme ça à l'amiable, s'il se sépare avec elle de cette façon, c'est mieux, Inch'Allah ta'ala, que ce soit elle qui demande le divorce. Pouvez-vous m'expliquer la manière correcte de laver un mort? Car dans Ahkam Janaz, il manque beaucoup de détails sur le déroulement du lavage et dans la manière que dans Cheikh Ibn Uthaymeen, etc. Ce que je sais, c'est que le mort, on le lave, il n'y a rien de spécial. On le lave exactement comme on lave quelqu'un de la Janaba. Quand quelqu'un a l'impureté, il doit faire rousse le Janaba, la même chose qu'on fait avec quoi? Avec le mort. Sauf que on ne lui fait pas rentrer de l'eau dans la bouche et dans le nez, on prend un gant mouillé, et on lui met comme ça à l'intérieur de sa bouche et à l'intérieur de son nez. On ne lui fait pas rentrer de l'eau, parce que l'eau, ça va lui faire des problèmes. Mais il n'y a pas de différence entre salat djanaba et salat, pardon, le rosse du djanaba et le rosse du mort, sauf qu'on ajoute un peu de cidre, etc. Enfin, plusieurs questions furent posées. Plusieurs questions me furent posées pour lesquelles je n'ai pas pu répondre, car je n'ai pas d'argument. La première question, est-il permis à l'homme d'épouser une femme vertueuse d'entre les gens qui ont reçu le livre avant nous? Naam, il est permis aux musulmans de se marier avec la juive et de se marier avec la chrétienne. Il lui est permis avec les conditions, les deux conditions que tu dois savoir. Naam, il faut qu'elle soit, yani, qu'elle soit pas une fille, yani, de rue, etc. Se marier avec une femme, yani, plus ou moins pratiquante dans sa religion. C'est pas comme maintenant notre famille ou la je ne sais pas qui. Nos frères comme ça, yani, surtout ceux du bled, hein, il va émigrer en France, il connaît une femme dans un dancing et dans un bar, il se marie avec elle, il dit je me suis marié avec la femme du livre. Naam, il faut, comme j'ai dit, que ce soit une femme qui soit plus ou moins pratiquante et qui ne soit pas une femme, yani, de zina, etc. La deuxième question, il a dit, à propos, et pourquoi? Si la femme en islam a les mêmes droits que l'homme, est-il permis à la femme d'épouser un homme parmi les gens du livre? Et pourquoi? Ça, j'ai déjà répondu à ça. La musulmane ne peut pas épouser ni le juif ni le chrétien. Et la différence, c'est que rijal qawwamun 'ala an-nisa, les hommes ont toujours de l'influence sur la femme. Quand elle se marie avec le chrétien et le juif, ensuite ils vont avoir des problèmes question d'enfants. Des grands problèmes. Elle dit, je veux la circoncision. Lui, il dit, non, c'est impossible. Elle dit, je veux qu'il aille le vendredi à la mosquée. Elle dit, il va à l'église. Et ils vont rentrer dans de grands problèmes. Et quand c'est l'homme qui se marie, c'est l'homme qui a l'influence sur la femme. Elle ne peut pas, yani, avoir de l'influence sur lui plus que lui. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est que l'homme, le musulman, quand il épouse la chrétienne, quand elle parle de son nabi, elle parle de son prophète, Isa alayhi salam, le musulman, il dit alayhi salam. Mais quand c'est le contraire, quand la musulmane parle avec le juif, si c'est son mari, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le juif l'insulte et le chrétien l'insulte. Il lui dit, celui-là c'est pas un prophète, celui-là c'est un ceci, cela, il l'insulte. Mais le contraire est vrai. Mais le musulman, il reconnaît que Isa c'est un prophète et il l'aime comme il l'aime les autres prophètes. C'est pour ça que le musulman peut se marier avec la chrétienne et la musulmane ne peut pas se marier avec le chrétien. J'ai une question à propos des images dans la maison. J'ai lu dans les Fethul Shikhul Uthaymeen, pour les cartes d'identité, c'était bon, mais on peut les garder à la maison en les cachant. Et ma question, est-ce que les anges rentrent, etc. Sachant que j'ai à la maison des photos de la carte d'identité. Bien sûr, tous, on a les photos de la carte d'identité, on a les photos du permis de conduire, on a les photos des passeports. Seulement, ces cartes d'identité, ces passeports, ces permis de conduire, il ne faut pas les mettre sur les murs comme ça, comme les cadres. Une carte d'identité, tu la laisses dans ta poche et tu la laisses dans le sac et Inch'Allah ta'ala, elle permet, yani, les anges peuvent rentrer. Pourquoi? Parce que les anges ne rentrent pas quand tu mets une photo, yani, qui est interdite. La carte d'identité, sa photo n'est pas interdite. Car c'est la rukhsa, c'est une permission. Tu peux faire la carte d'identité, tu es obligé de la faire même. Et la carte d'identité, tu dois toujours l'avoir sur toi. Tu fais même la prière avec la carte d'identité avec toi dans la veste, dans le portefeuille. Naam. Dans ce cas, les anges sont avec toi. Pourquoi? Parce que ceci n'est pas haram, incha'Allah ta'ala. On passe à nos frères dans la salle. Qasi Salaf aujourd'hui, il a été classé deuxième. C'est la première fois qu'il a été classé deuxième. Normalement, c'est lui qui se classe le premier. Il est sorti deuxième dans sa course aujourd'hui. Mais, masha'Allah, il est toujours deuxième. Petit muslim, tafaddal, barakallahu fik. Petit muslim, tafaddal. Qasi Salaf, prépare ta question, peut-être que tu vas passer avant lui, hein, qu'il va tarder à écrire. Il arrive, Inch'Allah, Inch'Allah, on l'attend, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Naam, ça m'a fait rappeler une chose, subhanallah al-azim. Alhamdoulilah, le temps qu'il écrive, je me rappelle une chose. Une fois, on m'avait parlé de la prophète, écrit, petit musulman. Une fois, on avait parlé de la salat du prophète par le micro, hein. D'accord, alors attends une seconde, Inch'Allah. On avait parlé de la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au Quds. On avait dit qu'avant de faire l'ascension, quand il a fait l'Isra, avant de faire le Mi'raj, il est allé de la Mecque, il est allé en Palestine, où il a fait la prière avec les prophètes, il a fait la prière, salat al-fajr, dans la mosquée. Isa alayhi salam a essayé de lui dire, fais la prière, et Isa n'a pas accepté, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi qui fais la prière. Je crois, quand on m'avait posé une question, avec quel nombre de prophètes avait-il fait la prière? Quel était leur nombre? Je ne sais pas si j'ai répondu, ils étaient tous présents, ou j'ai dit ils étaient quelques-uns. Je ne me rappelle pas très bien. Mais ces jours-ci, j'étais en train de lire un livre, j'ai remarqué que le hadith avait dit « Ma'a jama'atin min anbiya ». Il a dit « avec un groupe des messagers ». Donc, quand il a fait la prière, il ne l'a pas faite avec tous les prophètes, avec les 124 000, mais il y a seulement quelques-uns que l'Azawajal a fait descendre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a guidés. Donc si j'ai dit juste, alhamdoulilah, si j'ai dit faux, je viens de me corriger maintenant. Tafadla, petit muslim, je te donne le micro. Tawakkal Allah. Petit muslim, si tu m'entends, tafadla, tawakkal Allah, prends le micro. Bon, il y a un problème avec petit muslim. C'est Qasi Salaf qui est le premier. Donc c'est Qasi Salaf qui va écrire le premier, qui va parler. Hein. Qasi Salaf, toi, personne ne peut te battre. تفضل قاسي سلف لطن كتي مسلم ريكسون بروبلام تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته peut-on jeûner à partir de demain pour le mois de شعبان جزاكم الله خيرا نعم شعبان c'est un mois où il est demandé inshallah ta'ala à tous les musulmans à ceux qui peuvent bien sûr de faire s'ils peuvent يعني quelques jours des 15 premiers jours s'ils peuvent faire quelques jours des 15 premiers jours Inch'Allah ta'ala, et ils peuvent plus de 15 jours pour ceux qui ont l'habitude de faire, par exemple, les lundis et les jeudis, etc. Maintenant, reste que temps, justement, c'est ça le problème, Qasi Salaf, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut jeûner le samedi ou on ne peut pas? C'est ça le problème et le grand problème. Donc, pour ceux qui ont lu les dalils et ont été convaincus qu'on peut faire le samedi, ils commencent, Inch'Allah ta'ala, demain. Ceux qui ont lu les dalils de Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz et les grands ulama, alayhim rahmatullah, qui ont dit, on peut faire le samedi, il peut commencer demain, Inch'Allah ta'ala. Ceux qui sont convaincus par les dalils de Cheikh Al-Albani, qui dit on ne jeûne pas le samedi, ils commencent dimanche, Inch'Allah ta'ala. Donc, Qasi Salaf, toi seul tu sais si tu peux demain ou dimanche. C'est toi qui le sais, et ce n'est pas moi, Inch'Allah ta'ala. Ça revient à toi, bi'idhnillah azza wa jalla. Salafi de France, tafaddal. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratou. C'est au sujet des quatre écoles. Un de mes amis m'a dit qu'il suit uniquement l'école Hanafite. J'aimerais donc savoir si le fait de se conformer quand même sur l'école est permis. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se conformer à une seule école, une des quatre écoles, non seulement n'est pas permis, mais c'est haram. Non seulement n'est pas permis, mais c'est haram. Pourquoi? Parce que les quatre écoles sont de grandes écoles. Sont de grandes, grandes écoles. Or, chacun des quatre, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, Malik, Shafi'i, rahmatullah, tous les quatre ont dit et prescrit, il est interdit à quiconque de nous suivre sans suivre nos dalils. Tous les quatre ont dit, il est interdit que l'un de vous nous suivent sans qu'ils suivent et sans qu'ils regardent les délits de ce qu'on a dit. Maintenant, moi, quand je suis, par exemple, l'école Hanafite, supposons, je vais suivre l'école Hanafite à la lettre, yani de A à Z, sans sortir de l'école. Est-ce que l'école Hanafite a des fautes ou tout ce qu'elle a dit, c'est du Coran et de la Sunna, elle ne peut pas se tromper. S'il va me dire, il n'y a aucune faute dans toute cette école, ça veut dire qu'il a dit quelque chose de grave. Il a dit que Abu Hanifa, c'est un ma'asoum, quelqu'un qui ne se trompe pas. Ou bien Imam Malik, c'est quelqu'un de ma'asoum. Tout ce qu'il a dit, c'est comme le Coran et la Sunna, il ne peut pas se tromper. Donc celui-là, on lui dit, là tu as fait quelque chose de grave, tu as dit que l'un des quatre est un ma'asoum. Maintenant, s'il va dire non, tous les quatre ne sont pas ma'asoumines. Ils peuvent se baser sur des hadiths qui sont faux. Ils peuvent se baser sur des hadiths qui sont faibles. Ils peuvent dire des choses et sans le vouloir, ils n'ont pas dit la sunna. Ils peuvent. Dans ce cas, je vais lui dire, donc, quand je suis moi toute l'école, où est la preuve que quand j'ai suivi dans cette chose, c'est vrai et quand j'ai suivi dans l'autre, ce n'est pas vrai. Donc, c'est très difficile. Donc, nous, Allah Azza wa Jalla nous a créés et nous a dit, suivez le Coran, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et اسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. Quand tu n'as pas un verset, tu n'as pas un hadith sahih devant toi, tu vas au ulama, il te montre ce que tu dois faire. Tant qu'il y a le Coran, tu as la sunna qui est expliquée par les grands ulama, ils l'ont expliqué, il n'est permis à quiconque de dire moi, je vais rentrer dans une école pour la suivre de A à Z sans sortir de cette école. Je te donne un autre exemple. Supposons que X soit Hanafi. Moi, je suis obligé d'être Hanafi, je ne suis pas obligé, je suis Maliki. Ma femme me dit, moi je suis libre, moi je suis Shafi'i. Ma fille va me dire, moi je suis libre, je suis Hanbali. D'accord, moi je suis Hanafi, l'autre Hanbali. Comment on va faire pour faire la prière? Moi je vais dire, on lève la main, l'autre il me dit, non, descends tes mains, je suis Maliki. Maliki, il ne met pas les mains sur la poitrine, il faut que ce soit en bas. Ah bon, naam. Ensuite je vais dire, Allahu Akbar, l'autre il va me dire, attends, va refaire le wudu. Parce que le maliki dit que s'il y a du sang qui coule du nez, il n'y a pas de wudu. On ne fait pas la prière avec toi, il y a du sang qui coule du nez. Je dis, subhanallah, moi je suis hanbali, ça coule, ça ne fait rien. Ah non, pardon, moi je suis maliki. Et comme ça ne va pas finir. Pourquoi? Parce que si on va rentrer comme ça dans les madhhab, il est impossible que la même chose, soit dans ce madhhab halal, dans ce madhhab makruh. Dans ce madhhab moubah, dans ce madhhab haram. C'est impossible qu'une seule chose. Telle chose, par exemple, je vous donne un exemple simple. Telle chose, par exemple, disons. Nam, Nafoun, j'ai dû sortir et revenir, ça ne marchait pas chez moi. Nam, Malish, Tfadbat. Donc, une seule chose, c'est impossible qu'elle soit en même temps halal, عند al-Malikiya, haram, عند al-Shafi'iya, makro, عند al-Ahnaf, wa moubah, عند al-Shafi'iya. Ça, c'est impossible. Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِكُمُ اللَّهِ. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelqu'un va me dire, il va me dire, donc toi, tu es un grand savant, tu es mujtahid, il n'y a que mujtahid et muqallid, il n'y a pas de milieu. Ou bien tu es grand savant mujtahid, tu ne suis personne, ou bien tu es muqallid, tu dois suivre l'une des écoles. Je lui dis, pardon, il n'y a pas seulement ces deux, il y a le milieu. Il y a Mujtahid, comme tu as dit, grand savant, qui n'a pas besoin des quatre écoles. Il y a Muqallid, celui qui ne connaît rien. Celui-là, il ferme les yeux. Tout ce qu'on lui dit, il suit. Et il y a le... Et l'Azul n'aime pas ce genre. Et il y a le milieu, ça s'appelle Mutabi'. Mutabi', c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit. Comme a dit l'Azul, « Ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. » Il a dit « Suivez ». Il n'a pas dit « Qallid ». Il n'a pas dit « Ferme les yeux ». Il a dit « Suivez ». Et comme a dit Allah Azza wa Jal, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ je parle et je lis ce qu'il est écrit. C'est possible que je pose ma question après votre réponse? Non, pose-la après هذا, barakallahu fik. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Allah Azza wa Jal nous a demandé اتِّبَعْ, تَتَّبِعْ. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Je ne te demande pas d'être un grand savant, mujtahid, mais ne sois pas muqallid. Ne ferme pas les yeux et tu dis, moi je rentre dans l'école hanafite, je ne sors pas, je m'en fous. Tout ce qu'il y a halal, c'est halal, tout ce qu'il y a faux, c'est faux, je m'en fous. Là, toi, tu as un cerveau, وسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون tu vas chez les ulama et tu demandes le dalil. S'il vous plaît, monsieur le alim, est-ce que je peux faire ceci, cela? Si tu dis oui, non, c'est pas terminé. Pardon, quel est le dalil? Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi vous avez dit non? Vous êtes basé sur quoi? Donnez-moi le dalil. S'il dit Allah a dit, son prophète a dit, naam. S'il dit c'est moi qui ai dit de ma tête, tu dis, smahli. Je vais demander à ma grand-mère aussi, elle peut me répondre de sa tête. Moi, je suis venu chez toi à cause du dalil. C'est pas à cause que tu me dis de ta tête. Voilà en principe ce que je voulais dire. Et en islam, on va à ces grands madhhab, ces grandes quatre écoles, on va quand on ne trouve pas ni hadith ni sunna. Tu ne trouves rien, les ulama ont dit dans ce sens, tu peux suivre l'un de ces grands ulama dans une chose particulière à laquelle tu n'as pas trouvé ni verset ni hadith. Mais si tu dis, non, moi je rentre dans une école des quatre et je la fais comme ibadah, c'est une adoration. J'adore Allah avec une de ces quatre écoles. Ça, ce n'est pas permis. Les ulama ont dit, non, ça, ce n'est pas permis. Alors, ceux qui étaient avant les madhhab, ceux qui étaient avant l'imam Malik et avant Abu Hanifa, etc., ils n'ont suivi aucun madhhab. Ceux-là, ils vont aller en enfer. Avant l'imam Abu Hanifa, il y avait les quatre écoles, il n'y avait pas. Alors, où vont aller ceux qui ne les ont pas suivis? Où vont-ils? Ils vont aller en enfer? C'est impossible. طيب, وسبك, petit musulman, ta fadla, inshallah ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا, j'avais demandé si je pouvais prendre le micro parce que la question est un peu, j'arrive pas à la poser correctement à l'écrit, je préfère l'expliquer au micro, inshallah. بارك الله فيكم شيخ, جزاكم الله خير. Je m'excuse auprès des frères et sœurs dans le salon d'avoir perturbé le chef quand il est en train de répondre. Inch'Allah, je vais essayer de poser la question le plus clairement possible. La question elle concerne la Taouba. Et je vous l'ai dit, Inch'Allah, ta'ala. عندما يتوب الإنسان وينيب إلى ربه هل يعني هذا أن السيئات محيت له أم أنه لابد أن يمحصه الله أم أنه لابد أن يمحصه الله في الدنيا والآخرة مثلا بالمصائب والابتلاءات وعند الموت والاحتضار وفي القبر وهي الأشد الدخول في النار للتطهير هل لابد من هذه الممحصات فيما يتعلق بالتوبة إذا تاب الإنسان المعصية هل ستكون له أحد هذه الممحصات بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا Petit muslim, j'ai bien compris ta question, barakallahu fik. Est-ce que je te réponds en arabe ou en français? Tu as posé ta question en arabe. Je te réponds en arabe ou en français? Tu m'écris AR ou la FR, barakallahu fik. AR c'est ton arabe, FR c'est ton français. En arabe ou en français, la même chose. Hein? Bon alors, je vais te répondre en français. Je parle beaucoup mieux l'arabe, mais je vais te répondre en français parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas bien l'arabe. C'est pour ça. Sinon, je t'aurais répondu, Inch'Allah, en arabe. Inch'Allah, ta'ala, en ce qui concerne la réponse, les moumahissat, etc., non. Hadou, les moumahissat, les tests et les épreuves, hadou, elles sont même faites pour celui qui a fait la touba. Elles n'ont rien à voir avec la touba. Le fait que la personne fasse la touba, le repentir, et c'est demander trois ou quatre choses. La première des choses, c'est de s'éloigner de la chose à l'instant. Celui qui a fait la touba, il ne va pas dire, je vais m'éloigner de l'alcool le mois prochain. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la touba. Aujourd'hui, je jette l'alcool que j'ai à la maison, je casse les bouteilles aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, il regrette. Il regrette dans son cœur. Hein, il n'est pas content, il regrette ce qu'il a fait. Troisièmement, il a l'intention au futur de ne plus refaire. Il se dit au futur que « Khalas, jamais je ne referai cette chose ». Ça, si c'est entre lui et entre Allah. Si c'est avec les personnes, et Anis, il leur a pris de l'argent, etc., il doit leur rendre leur argent, etc. Donc, s'il fait seulement cela, Inch'Allah ta'ala, non seulement, tous ses péchés vont être annulés, mais mieux encore, ses péchés, Allah Azza wa Jal peut les rendre hasanat. Que s'il veut, il les rend hasanat. Comme il a dit dans le Coran, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ عفوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ceux qui ne font pas le shirk, ceux qui ne tuent pas les gens et les enfants etc, ceux qui font pas la zina ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, quiconque fait ce que je viens de dire il va trouver le grand problème et مشاكل يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد في يوم القيامة ويخلد في مهانة. Allah Azza wa Jalla dit je vais lui doubler le châtiment le jour où il va me rencontrer. Il va rentrer en enfer, il va rester longtemps. Illa man tab, sauf celui qui fait le repentir. Illa man tab wa amana, et il a cru, wa amila salihan, il a fait des choses de bien. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, cela Allah Azza wa Jalla va leur changer leur péché en quoi? Leur péché, il va les changer en hasanat. Au point, ça va vous étonner si je vais vous dire quelque chose, au point où Cheikh Al-Albani rahmatullah a authentifié un hadith dans Sahih al-Jama', si j'ai pas oublié, il est dans Sahih al-Jama', ou bien si c'est la Sahiha, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui ont fait les péchés dans ce monde, et bien sûr ont fait le repentir, lorsqu'ils verront le jour du jugement dernier, comment Allah Azza wa Jalla va changer tous les péchés en hasanat, il a dit, au point où certains diront, je regrette de n'avoir pas fait beaucoup de péchés. Ils ont dit tellement, yani, qu'Allah Azza wa Jal va dire, vous voyez tous ces péchés que vous avez faits. Aujourd'hui, je vais le rendre hasanat. Yani, c'est une miséricorde de moi. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au point où certains diront, subhanallah, yani, peut-être pour rire, hein, subhanallah, si j'avais fait beaucoup de péchés, j'aurais rencontré aujourd'hui beaucoup de hasanat. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. سلفي دو فرانس تفضل بارك الله فيك. Pardon, j'ai oublié les questions. Comment ça a posé Oum Abdallah juste après Salafi, comment ça a posé? Je demande à mes frères et mes sœurs qui lèvent la main Agda pour poser les questions d'être yani, de faire un peu vite. بارك الله فيك. Regardez, il y a des gens qui attendent et il y a des gens qui restent beaucoup pour écrire la question. Je ne sais pas pourquoi vous ne préparez pas la question à l'avance. Préparez-la. Dès que je vous donne la parole, tu la colles directement. Bi'ilna subhanahu wa ta'ala. Naam, pour ne pas perdre de temps. Bon, pour ne pas perdre de temps, Oum Abdallah, pose une question. Salafi n'a pas encore posé. Pose-toi une question. Naam, est-ce que les frères de la deuxième épouse de mon père sont mes maharim, et sinon dois-je me voiler devant eux, respecter les règles de la mixité? Est-ce que les frères de la deuxième... Naam, les frères de la deuxième épouse sont tes frères. Sont tes frères, naam. Ce sont des maharim. Tu ne dois pas... Tu n'es pas obligé de te voiler devant eux et de respecter les règles de la mixité. Parce que ce sont des frères, ce sont exactement des demi-frères. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même père. Naam, ce sont... Tant que ton père se mariera, tous les enfants qu'il aura, ce sont toujours tes frères. Ce sont toujours tes frères. C'est la fille de France. Les frères de ma belle-mère. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire les frères de ma belle-mère. Il faut que je comprenne. Les frères de ma belle-mère. Je ne sais pas comment... Parce que si je me trompe, hein, je vais dire halal, je vais dire haram, pour que je sois sûr qu'est-ce que ça veut dire les frères de ma belle-mère. Ça veut dire qu'il y a une femme. Ce ne sont pas les enfants de mon père. Je ne sais pas, Anna, je sais que la belle-mère, c'est quand une femme se marie, la mère de son mari, elle l'appelle ma belle-mère. La mère de son mari, elle l'appelle la belle-mère. Je ne vois pas ici comment qu'elle rentre. La belle-mère, elle nous suit même ici. Elle est venue aujourd'hui ici au Dars. Attention, les épouses, elles vont avoir peur. Darsun Fiddin, tafadlal. Darsun Fiddin, tafadlal. Est-ce que cette fatwa de Cheikh Ibn Rahim Rahmallah veut dire que les photos prises avec un appareil photo sont permises? Peut-être que les photos des enfants et des choses de halal, comment doit-on comprendre cette fatwa? Jazakallahu khair. Sur la photographie, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit والأحد الوليد ما في التصوير الذي يكون يفعل الله بخلق الله ويتبين ذلك جيدا. Tu as terminé parce que tu as écrit numéro 1. Non. Moi, je ne veux, veux pas lire toute la fête. Pourquoi? Parce que je l'ai lu, bien sûr, plusieurs fois. Je voudrais te dire deux choses. Ou là, une chose très importante. Cheikh Ben Outaymin, alayhi rahmatullah, trois fois. Question de photo. Question de photo. Ces fêtes, yani, ne sont pas, je ne veux pas dire ne sont pas claires. Là, astaghfirullah. Yani, il a des fêtes. Lorsqu'il a parlé de l'appareil photo, c'est presque, tu comprends, comme il ne sait pas le nom, tu comprends que c'est halal. Ensuite, tu vas lire dans d'autres livres, d'autres fatwas, où il commence comme ça par dire c'est halal et il termine par dire c'est haram. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, spécialement dans l'appareil photo, il n'a pas dit ce qu'on appelle qawl al-fas. Il n'a pas tranché. Il a marché avec certains fatwas. Quand tu les lis, si tu n'ajoutes pas cette fatwa avec d'autres livres, naam, si tu n'ajoutes pas ce que tu viens de lire maintenant avec d'autres livres, tu vas dire khlas, appareil photo, il est permis. D'ailleurs, moi, quand j'ai lu seulement ça une fois dans un livre, je me suis dit alhamdoulilah. Allah, alhamdoulilah, il y a cela. Ensuite, j'ai lu dans d'autres livres où lui, il dit de préférence, puisque certains ont dit c'est haram, etc., on veut préférence pour sortir des machins, s'il sortit des problèmes, on ne se photographie que pour la carte d'identité et le permis de conduire. Ça, c'est lui-même qui dit ça. C'est pour ça que je t'ai dit, il n'a pas, alayhi rahmatullah, il n'a pas tranché sur la photo. Il n'a pas tranché. C'est pour ça que de préférence, naam, il n'est pas très clair sur la photo. Naam, il n'est pas très clair. Ça, si tu veux photographier des choses comme ça, yani de la nature, les arbres, la mer, les voitures, ça, tout ça, c'est permis, bien sûr. Reste quoi? Reste, tu photographies les gens dans le Wasmo. Dans, comme ça, adé, ou là, dans un mariage, ou là, c'est ça. Déjà, c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, en ce qui concerne la vidéo, par exemple, lui-même, il existe dans des cassettes vidéo. Lui-même, tu peux le voir dans des cassettes vidéo. C'est pour ça qu'ils ont dit, surtout si c'est en direct. Si c'est en direct, tu vois quelqu'un, bien sûr, ça, personne ne peut dire interdit. Maintenant, même si c'est difficile de parler, pas de son. Il a écrit zéro. Il n'y a pas de son, Tamallah. Quand vous écrivez zéro. Non, je dis, c'est pour ça que de préférence, on s'éloigne, Inch'Allah Ta'ala, de la photo, si on peut. Qui t'a fait au chit, tafadlan. Je voudrais savoir, en fait, si la divergence sur le sujet de photo. Non, il y a divergence. Il n'y a pas de divergence entre les grands ulama. Il n'y a pas de divergence entre les grands ulama. La plupart disent c'est haram, la plupart. Maintenant, s'il y a, c'est par exemple comme Qaradawi ou là. Ah, quand celui-là, il dit c'est haram ou là, c'est halal, ça ne change rien. Qaradawi, quand il dit ça, ça ne change rien. Je dis les ulama, ou les grands ulama d'Arabie Saoudite, ça, tous ils disent que c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kitab tawhid tafaddal. Abdullah, si tu as une question, pose. Le temps que les autres posent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Reformulez sa question. La question de la belle-mère. Pose-la maintenant, peut-être que je vais la comprendre. Mon père a deux épouses. Il est polygame. Je voulais savoir si les frères de la deuxième épouse, qui n'est pas ma mère, sont des maharim. Subhanallah al-Azim, je viens de lui répondre. Je viens de lui répondre. Est-ce qu'elle dit les frères de la deuxième femme qui n'est pas ma mère sont des mahrims? Les enfants de la deuxième femme. Non, elle ne sait pas que les enfants de la deuxième femme, elle dit j'ai aucun lien de parenté. Subhanallah. D'où ils sont venus être les enfants? Est-ce que leur mère les a accouchés toutes seules en rêvant comme ça, elle a eu des enfants? Ou là, elle s'est accouplée avec un homme qui est ton père? Pose-lui cette question. Est-ce que les enfants sont venus d'eux-mêmes ou là, elle s'est accouplée avec quelqu'un qui est son père? Ici, son père, elle s'est accouplée avec lui. Donc, les enfants sont les enfants de son père. Ici, ce sont les enfants de son père. Donc, ce sont ses frères. Ici, ce sont ses frères. Ce sont des mahrams. Si on ne sait pas pourquoi on n'a pas compris cela, c'est très facile. C'est ton père, c'est bien ton père qui s'est marié avec cette femme. Et cette femme a eu des enfants de ton père et non pas du voisin, de ton père. Ton père, ce sont ses enfants, donc ce sont tes frères. Au lieu que ce soit des frères de ta mère et ton père, ce sont tes frères de ton père seulement. Ce sont des oncles, pas ses enfants. Ce sont comme des oncles pour moi. Ça, je ne l'ai pas compris. Ce sont des oncles, pas ses enfants. Si ce ne sont pas ses enfants, c'est autre chose. Moi, je parle de ses enfants. Je parle des enfants de cet homme avec la femme. Si ce sont les oncles de cette femme ou de son père, ça, c'est autre chose. Moi, je parle des enfants de cette femme. Et pour donner un autre exemple, moi, mon père va se marier avec une femme. Il va avoir une fille. Cette fille, c'est ma sœur. Pourquoi ? Parce qu'elle est de mon père. Non, je ne parle pas des enfants. Je parle des frères de sa femme. Les frères de la deuxième femme. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, elle parle de la femme, nous on parle des enfants. La hawla wa la quwwata illa billah. Les frères de la femme. Les frères de la femme, ce sont des étrangers pour toi, ma sœur. Les frères de la femme peuvent se marier avec toi. Bien sûr, ce ne sont pas des mahrams. C'est sûr. Le frère de la femme peut même te demander en mariage. Le frère de la femme de ton père peut te demander en mariage. Celui-là, ce n'est pas un mahram. Moi, je croyais que tu parlais des enfants de ton père. Là. Celui-là, ce n'est pas un mahram. Celui-là, comment tu sais si c'est un mahram ou pas? Je vous donne une règle. Comment vous savez si une personne est une mahram ou pas? Si cette personne peut se marier avec vous, ce n'est pas un mahram. Toute personne qui peut se marier avec moi, ce n'est pas une mahram pour moi. Par exemple, la femme dit, ma sœur est mariée avec quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un est un mahram pour moi? Une femme dit, elle dit, ma sœur est mariée avec quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un est un mahram? Ce n'est pas un mahram. Pourquoi? Parce que s'il divorce, ta sœur, il peut se marier avec toi. Si ta sœur meurt, il peut se marier avec toi. Donc, le sœur de ta femme n'est pas un mahram. Il est seulement interdit qu'il se marie avec toi tant qu'il est avec ta sœur, c'est tout. Donc, la règle, quiconque peut se marier avec moi ou je peux me marier avec lui, ce n'est pas un mahram. Tu as posé ta question, Inch'Allah? D'après ce que j'ai compris, en fait, il s'agit des beaux-frères de son père. Voilà, moi je... Naam, c'est ça. Moi je comprends bien, pas très bien les choses, vos frères, belles sœurs. Mais Inch'Allah, c'est ça. C'est-à-dire le père, le frère de sa femme. Ce sont les frères de sa femme, yani la femme du père. Naam. Quels sont les livres nécessaires de connaître à celui qui doit appeler les gens à l'islam et quelles sont les bases à connaître et les caractéristiques de celui qui doit appeler les gens à l'islam. Naam. Khair, Inch'Allah. Sou'al, il est un peu long. On doit connaître, yani, bien la aqida. On doit connaître la religion. Naam. On connaît bien la religion, on connaît bien la aqida, on connaît bien le fiqh. Et ensuite, on commence à yani, appeler les gens à l'islam. De toute façon, appeler les gens à l'islam, c'est pas, yani, comment dirais-je, c'est pas une wazifa, c'est pas comme quelqu'un qui travaille dans un bureau du matin au soir. Non, toi tu appelles tout le temps à l'islam. Quand tu parles à ton voisin, tu l'as appelé à l'islam. Quand tu parles avec quelqu'un dans la rue, tu lui parles quelque chose de l'islam, tu l'as guidé. Tu parles dans le bus avec quelqu'un, tu lui montres quelque chose, tu l'as guidé. Tu peux faire ça yani, tout le temps, avec tes enfants, avec tes voisins, avec tes amis. Ce n'est pas spécialement comme Tiblir. Ils vont 40 jours, je ne sais pas où, du matin au soir, ils mangent la bukbuka, bouzellof, ils mangent tous les poissons du monde, ensuite tous les fruits du monde, ils se remplissent le ventre et disent on va faire la da'wa. Non, moi je te parle du vrai islam, tu apprends le tawhid, tu apprends le vrai fiqh, Inch'Allah ta'ala. Ensuite quand tu apprends aux gens, tu leur apprends quelque chose de solide et de vrai. Ce n'est pas comme Tiblir, il t'apprend seulement les choses qui ne sont pas vraies. Tu apprends les hadiths qui ne sont pas vrais, tu apprends le shirk. Tu apprends le shirk, comme dans leur livre, Nisab et Tabligh Hadith. Fada il A'mal, il est plein de shirk. Toi, tu apprends un hadith sahih et tu le montres aux gens. Là, tu dis, hier, j'ai écouté dans un dars, il dit ceci, cela, il y a un hadith qui dit ceci. Et tu, chaque chose que tu apprends aux gens, tu as un grand ajr. Une petite chose. Tu dis, voilà, il y a un hadith sahih qui dit, par exemple, qu'il est interdit de faire ceci, cela. Voilà, tu as fait la da'wah, inshallah. Tu n'es pas obligé d'être alim. Tu as fait la da'wah. Tu as montré aux gens la chose que tu as entendue. Inch'Allah ta'ala, on en parlera avec beaucoup plus de détails, inch'Allah ta'ala. Naam. Abu Bu'alam, tafaddal. Wa alaykoum salam. Je voudrais vous demander, Cheikh, j'ai un travail dans une entreprise qui ne me laisse pas faire la prière à l'heure. Qui ne me laisse pas faire tous les deux mois. Je veux savoir si la prière est acceptée, si on l'a fait avec le lieu de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Jazakallahu khair. Naam, si le bleu travaille, si le bleu de travail est propre, il n'a pas de najasa, et que, en plus de cela, tu ne peux pas mettre quelque chose dessus. En principe, quand on travaille dans un atelier ou là, on a toujours quelque chose de la salat qui est accroché comme ça devant nous. Dès que c'est l'heure de la salat, même le bleu de travail, je le laisse et je jette mon kamis ou là sur lui et je fais la prière. Maintenant, si c'est obligé que tu mettes le khamis dessus ou là, alors, tu fais avec le bleu de travail, s'il n'y a pas de najasa, etc. Inch'Allah ta'ala, ta salat est acceptée. En ce qui concerne l'heure, tu dois, Inch'Allah ta'ala, faire le maximum pour que tu la fasses à l'heure. Même si tu ne la fais pas au début de l'heure, mais à la rigueur, elle doit être avant, yani sa terminaison. Elle doit être pendant la durée où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de la faire. Hein, tu dis, j'ai affaire, j'ai kada. Comme tu as le droit d'aller aux toilettes, tu as le droit de faire la prière. Si je vais aux toilettes, quelqu'un va m'obliger, il va me dire quoi tu vas. Donc je vais me cacher, je vais la faire très vite quelque part. Je ne sais pas comment, tu essaies, Inch'Allah ta'ala, de la faire au maximum à l'heure. Quand c'est très très très difficile, et tu sais que, khlas, c'est impossible de la faire, au moins tu la fais. Yani, tu la joins. Tu fais les deux, mais tu dis pas, je laisse demain ou là, je fais la prière. Et quand c'est très difficile, tu n'as aucune solution. Sinon, tu peux la faire comme je viens de dire, tu peux même la faire en cachette. Tu te caches très vite, tu la fais. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fika barakallah. Jamal 38, tafadlal. Est-ce que c'est vrai que quand on fait mal et quand on tombe malade, Allah nous enlève des péchés et que je peux suivre le savon Qaradawi? Est-ce que je peux suivre ça, car il y a des frères qui me le déconseillent. S'il vous plaît de m'expliquer, excusez-moi. Si vous ne voulez pas répondre, c'est pas grave, merci. Inch'Allah ta'ala, je te réponds. Chaque chose que tu fais, chaque chose, Inch'Allah ta'ala, qui te fait tomber malade, ou chaque problème, même le problème, les soucis que tu as, Inch'Allah ta'ala, comme c'est dans le hadith sahih, il t'enlève quoi? Il t'enlève les péchés comme tu viens de dire. Naam, naam. C'est un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même shouka c'est l'épine, a dit shouka yushakuha yankafirdunub. La petite épine qui te rentre dans le pied, même cette épine, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, elle va t'enlever des péchés. Donc tout ce qui nous arrive, même les problèmes qui t'arrivent, et tu es patient, tu dis قدر الله ما شاء فعل ان لله وان الى راجعون tout cela inshallah ta'ala t'enlève les péchés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est étonné, il a dit عجبا يعني لامر المؤمن ان امره كله له خير. Il a dit c'est étonnant le croyant هذا والله يعني c'est étonnant pour lui, tout ce qu'il fait c'est bien pour lui. Yani, il a dit, si ça lui arrive quelque chose de bien, il dit, alhamdoulilah, il a des ajr. Si ça lui arrive quelque chose de mal, il patiente, il a quelque chose de bien. Yani, dans tous les cas, le croyant, qu'est-ce qu'il a? Il a quelque chose de bien. Dans tous les cas. Si c'est quelque chose qui fait plaisir, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdoulilah, alladhi bi ni'mati tatim salihat. Tu as un ajr. Si quelque chose qui te fait mal ou là, tu dis, alhamdoulilah ala kulli hal. Tu vois, tu n'es pas sorti de l'alhamdoulilah. La première, alhamdoulilah ala kulli hal, tu étais content. maintenant tu as des problèmes, alhamdulillah, pardon, alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatim salihat, tu étais content, quelque chose, une bonne nouvelle, etc. Alhamdulillah, ala kulli hal, quelque chose qui t'a fait mal, ou là, une mauvaise nouvelle, ou là, mais c'est toujours alhamdulillah. C'est-à-dire pour la première question. La deuxième question, est-ce que je peux suivre le savant Qaradawi? Il y a des frères qui me déconseillent, ils m'expliquent. En ce qui concerne le Qaradawi, je te donne un conseil en Allah subhanahu wa ta'ala, ne le suis pas. Si le Qaradawi, tu le rencontres à droite, toi va à gauche. Si tu le rencontres en venant, toi va marche arrière. De préférence, éloigne-toi de cette personne qui n'est, premièrement, qui n'est pas salafi, c'est un chef des frères musulmans, l'un des grands chefs des frères musulmans, lui, il Razel et la clique. Donc, éloigne-toi de celui-là. Ensuite, deuxièmement, yani, c'est fatawa, il dit des fatawa qui sont yani, à l'encontre de la charia. Il y a même un site où tu peux lire en internet 179 ou 180, je ne sais pas combien, de choses qui sont à l'encontre de la charia. Celui-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide et qu'il le fasse rentrer dans Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Voilà. Aliya, un tafadbal. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Noble, si j'étais noble. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Un frère a-t-il le droit de se marier avec une sœur alors que la mère du frère n'est pas d'accord à cause de la différence de nationalité? Barakallahu fik. Vous dites qu'un cheikh ou des frères peuvent faire la prière en cachette. Si un frère n'a qu'un petit espace et qu'il y a dans cette pièce les toilettes, comment on doit-il faire? Jazakallahu khairan. Naam. En ce qui concerne la première question, un frère a-t-il le droit de se marier avec une sœur alors que la mère du frère n'est pas d'accord à cause de la différence de la nationalité? De préférence, Akhil Karim, de préférence, avant de te marier, essaye d'avoir, comment dirais-je, c'est difficile de dire, essaye de convaincre ta mère. C'est un peu difficile. Mais essaye, à force qu'elle t'écoute en train de parler, à force que tu parles, celle-là où je ne me marie pas, marie-moi, je ne me marie pas, tu fais le chantage, tu fais ceci, tu fais cela, jusqu'à ce qu'elle en ait marre, elle te dit, marie-toi avec elle, il ne la ramène pas chez moi. Donc, de préférence, essaye d'avoir Yanni, de la convaincre, au lieu que tu te maries avec elle et tu vas perdre sa mère. Si tu sais que si tu te maries avec elle, tu vas perdre ta mère, il vaut mieux ne pas perdre ta mère. Les sœurs, il y en a beaucoup, Inch'Allah, subhanahu azza wa jal. Mais si tu peux, patiente un peu jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, tu aies la conviction de ta mère. Ce n'est pas seulement toi qui parles à ta mère, tu lui envoies des gens. Non, tu lui envoies ta tante, tu lui envoies la voisine, tu lui envoies la grand-mère, tu lui envoies X. Tu les envoies, yani, missionnaires. Vous avez une mission aujourd'hui. Je vous envoie chez ma mère, vous allez dire ceci, cela. Jusqu'à ce qu'elle-même, Inch'Allah ta'ala, elle acceptera. Et n'oublie pas de faire beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala, car les cœurs de toutes les créatures sont entre deux de ses jolis doigts. Quand entre deux de ses jolis doigts, c'est lui, Allah azza wa jal, qui peut faire pencher son cœur vers l'acceptation de ce mariage, Inch'Allah ta'ala. Vous avez dit que cela prie en cachette si un frère n'a qu'un petit espace et qu'il y a dans cette pièce des toilettes. Comment doit-il faire de déflorer? Non, la prière, s'il y a les toilettes derrière nous, elle est acceptée. Mais de préférence, on ne la fait pas là-bas. De préférence, on ne la fait pas là-bas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne fait pas la prière dans le hammam et le maqbara. Et le hammam, c'est parce qu'il y a les djinns, etc. Il y a beaucoup de djinns, etc. C'est pour ça que de préférence, tu ne la fais pas là-bas dans les toilettes. Mais, comme je viens de dire, tu peux même la faire, par exemple, si tu sais que l'heure va sortir. Tu sais que la prière, son heure va sortir et que je n'ai pas comment la faire. Là, je n'ai pas. Celui-là, on peut même la faire en étant assis. Supposons que je sois dans un bus et que là, le Maghreb, c'est dans 3 minutes, il va sortir le Maghreb. Comment je vais faire? Je vais arriver dans ma ville à minuit. Donc je fais la prière assis, alors que c'est interdit de la faire assis. Mais je n'ai pas de solution. Maintenant, toi, Inch'Allah ta'ala, essaye comment tu l'as fait. Hein, et taqillah subhanahu wa ta'ala, le maximum, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, t'ouvrira une porte. Et puis, commence à chercher dès maintenant un travail où tu peux faire la prière. Voilà, commence dès maintenant à faire des dos à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui dire, ya Allah, yani j'ai des machakil et ça, aide-moi, ou je trouve un travail où je peux faire la prière alors. Tu m'entends pas, Tamallah, il n'y a pas de son. Ah, il est minuit, naam, il est une heure, bi'idna subhanahu wa ta'ala, naam. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. On va essayer d'aller un peu vite et on va arrêter. Salama, tafaddali, Salama. Salama, tafaddali. Est-ce qu'on doit faire des vêtements? Que doit-on faire? Des vêtements avec la marque Nike. Car j'ai appris que c'est interdit. Peut-on cacher? Peut-on cacher? Je ne sais pas si elle veut dire on cache les vêtements ou là on cache la marque. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire exactement. Est-ce qu'on cache les vêtements ou là on cache la marque? La marque, naam. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit que c'est interdit. Ça, quand je dis j'ai pas entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, non. Peut-être qu'il y a des ulama qui ont dit ça. J'ai dit moi seulement, j'ai pas entendu. Car sûrement, peut-être qu'il y a des ulama qui ont dit cela. S'ils ont dit cela, on va voir pourquoi ils ont dit c'est haram. Est-ce que à cause de la chérique à la compagnie, c'est-à-dire pour ne pas acheter d'elle, ou là à cause de l'écriture elle dit. Si c'est à cause de cette chérique à la compagnie, etc., donc il est interdit de mettre le vêtement, et s'ils ont dit à cause de l'écriture, si tu caches l'écriture, il n'y a pas de problème. Donc toi, tu demandes à ceux qui ont dit c'est interdit, quelle est la cause? Si c'est la cause, la compagnie elle-même, une compagnie de juifs, ou là je ne sais pas quoi, il ne faut pas acheter chez eux, donc tu jettes cette veste ou là tu la brûles, mais si c'est à cause de l'écriture, tu caches seulement l'écriture, بإذن الله سبحانه عز وجل. أبو شيمة 40 تفضل. أم عبد الله شو هذه كيستيون؟ أم عبد الله هي une question d'une sœur assez longue et elle est urgente. Je vais vous envoyer un mail. Elle va vous envoyer un mail. Elle n'a pas eu de réponse. Peut-elle avoir sa réponse? Si elle m'a envoyé la robe, c'est que je lui ai répondu. Je n'ai aucune question dans mon courrier. J'ai répondu à tout et toutes celles qui m'ont envoyé. Sauf si je me suis trompé, j'ai supprimé. Sauf, sinon j'ai répondu à quiconque m'a envoyé une lettre. Je lui ai répondu bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Si la question elle est là, qu'elle la pose vite. Le temps de... pour ne pas perdre de temps. Abou Shaima 40, c'est pas de mal. Si quelqu'un a acheté une maison en crédit, disons 30 000 euros, ensuite il a fait Tova, et maintenant il doit récupérer seulement son capital, 30 000 ou bien il peut garder toute la somme de 60 000 euros. Non, je n'ai pas compris. Elle. Quelqu'un a acheté une maison en crédit, disons 30 000, ensuite il a fait Tova, et maintenant il veut vendre cette maison à 60 000 euros. Est-ce qu'il doit récupérer son capital, mais il peut garder toute la somme de 60 000 euros. Naam, Akhi, Osmak, Akhi Abou Shaima. Quelqu'un a acheté une maison à crédit. Naam, à crédit. Ensuite, khalas, il a payé son crédit. Il a payé son crédit. Maintenant, il a fait son repentir. Naam, il a fait son repentir, khalas. Il vend la maison comme il veut. Parce qu'il a fait son repentir. Naam. C'est comme ça qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, contrairement à ce qu'a dit Cheikh Ibn Qayyim, al-Rahmatullah, son élève. Yani les deux n'ont pas été d'accord sur la même chose. Naam, Ibn Taymiyyah a dit quand quelqu'un fait le repentir, l'argent du haram, il devient halal. Il devient halal chez lui. Et Ibn Qayyim a dit quand quelqu'un fait le repentir, l'argent du haram, il reste haram. Alors toi, tu prends Inch'Allah avec ce qu'a dit Ibn Taymiyyah et bi'inillah subhanahu wa ta'ala, l'essentiel c'est le repentir. Inch'Allah azza wa jal. Mystérie, tafadhal. Il y a la sœur, elle l'envoie, Inch'Allah ta'ala, les mails. Ah, un autre, ma'alish. Barakallahu fik, naam. Pardon, ce n'est pas toi, c'est un autre, naam. Elle dit qu'elle ne l'a pas reçu. D'accord, elle me réécrit. Elle me la renvoie maintenant, Oum Abdallah. Elle me la renvoie maintenant. Inch'Allah ta'ala, quand je termine le dos, je lui répondrai. Quand je termine le dos, je lui répondrai, Inch'Allah, par courrier. Au maximum, je lui répondrai demain, au maximum. je me trouve fatigué, je lui répondrai demain. Sinon, inshallah ta'ala, je vais lui répondre aujourd'hui. Mystère, tafaddal. Barakallahu fik, na'am. C'est moi qui... La question du frère. Mystère, il n'y a pas de question. Tamala, c'est toi, d'accord. Pose ta question, inshallah ta'ala, pose ta question. Je remarque que mes frères et mes sœurs n'ont pas beaucoup de questions sur la Aqida. Je ne sais pas pourquoi. Pour la Aqida, c'est très important. Mais je suppose, Allah Ta'ala, je suppose que mes frères et mes sœurs connaissent assez la Aqida. Ils disent, c'est pas la peine de poser des questions. On connaît tout dans la Aqida. Parce que la Aqida, on la connaît, alhamdoulilah, par cœur. C'est pas la peine de poser des questions. Non. Mystérie. C'est un frère qui veut savoir quoi faire car sa mosquée fait la salade de l'aube avant l'heure. Que doit faire? C'est possible, c'est important, on attend la réponse. Cette question, qu'est-ce que j'ai répondu 2, 3, 4 ou 10 fois, cette réponse. Non. Quand quelqu'un est sûr que la prière de l'aube n'est pas à l'heure, s'il est sûr, il dit je suis sûr qu'elle n'est pas à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comment dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il fait la prière avec les gens dans la mosquée à l'heure. Et il met dans son cœur l'intention de la nafila. Ensuite, quand il va à la maison, il fait la prière à l'heure. C'est très simple. Si tu es sûr qu'il ne fait pas à l'heure, tu es sûr. Tu vas faire la mosquée, tu ne fais pas la prière à la maison. Tu dis que là, ils ne sont pas à l'heure, donc je fais la prière à la maison. Non, tu vas à la mosquée et tu fais l'intention de nafila. Ensuite, tu vas à la maison, tu refais la prière. Je dis même pas tu l'as refait, tu l'as fait, car tu ne l'as pas encore faite. Tu l'as fait avec l'intention de l'obligatoire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih, il a dit, vous allez arriver à un moment où il y a des gens, les responsables, etc., qui l'oumouitoun salat, ils ne vont pas faire la prière à l'heure. Ils vont la faire à la dernière heure, c'est-à-dire le contraire. Donc il a dit, faites la prière chez vous à l'heure et allez à la mosquée et faites-la, faites l'autre avec eux en nafila. Ici la même chose, seulement c'est le contraire. Naam. Mistay, tafadlal. J'ai ajouté un peu parce que demain, inshallah ta'ala, je ne travaille pas. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu à mes soeurs et mes frères qui ont levé la main. Je suppose que, inshallah ta'ala, le dernier, c'est Abu Zinad. Abu Zinad, inshallah ta'ala, c'est le dernier, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lève encore la main. Tfadal Mistazi. Tfadal. Wallah, je veux me reposer, mais quand je sens que je vois des mains levées, je me dis peut-être que c'est quelque chose d'important. Là, je peux pas aller me reposer, il y a des gens qui ont des problèmes. Hein? Je voudrais savoir si vous allez faire un autre cours sur Usul Fiqh. Plus précisément, Om Teklifi 2. Est-ce qu'une femme... Om Teklifi. Est-ce qu'une femme a le droit d'imposer à son prétendant la monogamie? Sachant que là, faire oui la polygamie, je vous demande, mais je suis juste barakallahu fikoum. Usul Fiqh, Inch'Allah Ta'ala, quand je reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, de mon voyage, Bidna Subhanahu wa Ta'ala, on va en parler, Inch'Allah, avec un peu plus de détails, bi'idhnillah azzawajal. Car pour Usul Fiqh, il faut avoir un niveau yani assez élevé pour comprendre. Et moi, je dois avoir un niveau assez élevé en français pour traduire. Parce que ce n'est pas facile. Ce sont des mots, ce sont des mots techniques. Ce n'est pas facile de les traduire en français. Est-ce qu'une femme a le droit d'imposer à son prétendant la monogamie? Sachant qu'Allah a permis la polygamie, je vous demande mes clés. Naam, elle n'impose pas. Elle dit, c'est ma condition. Elle a le droit de le poser cette chose comme condition. Dans l'Okhra, dans l'acte, elle dit, moi, ma condition, c'est qu'il ne se marie pas. Comme elle dit, moi, ma condition, c'est d'habiter seul, pas avec ses parents. Moi, ma condition, c'est de faire la hijra. Moi, ma condition, c'est d'habiter à Marseille et de ne pas habiter à Paris. Moi, ma condition, c'est qu'il achète une voiture. Et comme ça. Ça, ce sont des conditions. Allah Azza wa Jal a permis la polygamie et la sœur, en faisant ceci, ne l'a pas interdite. Elle a dit, moi je veux que toi, X, à cause de moi, tu ne te maries pas, c'est tout. Je ne t'ai pas dit, c'est haram. Si je te dis, la polygamie c'est haram, je deviens mécréante, je deviens kafira. Parce que Allah a dit c'est permis, moi je dis non, c'est pas permis. Donc je deviens mécréante. Mais moi je te dis c'est permis, seulement ne le fais pas. Comme Allah a permis de manger les bananes. Je te demande seulement de ne pas manger les bananes chez moi. J'aime pas les bananes. Jazakallahu khair, ne mange pas les fraises. J'aime pas les fraises. J'aime pas leur odeur. Allah les a permises. À cause de moi, ne les mange pas. Voilà ce que je te demande. Je te demande de ne pas te marier, c'est tout. C'est permis, donc laisse-le à cause de moi. C'est une condition. Naam, Cheikh Bi'Uthaymeen a dit c'est permis. Et beaucoup d'autres ont dit c'est permis bi'idhnillah subhanahu azza wa jal. Naam. Ummu Hind, tafaddali. Et justement, là, ça me fait rappeler quelque chose. Toi aussi, mon frère, toi aussi, tu fais dans ta condition que moi, je me marie avec toi si tu me laisses marier, si tu ne t'interposes pas. Voilà. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut faire comme condition de se remarier, tombe avec une femme qui fait comme condition de ne pas se marier, je ne sais pas comment qu'ils vont faire ces deux-là. Om Hind, j'attends ta question, Inch'Allah. Om Hind, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-il permis d'inviter chez moi, notamment à dormir quelques jours, ma mère non musulmane, sachant que la dernière fois que je l'ai fait, elle nous a causé des soucis, fait des crises de nerfs à cause de notre religion. La hawla wa la quwwata illa billah. Et d'autres points culturels qui ne lui plaisent pas durant tout son séjour. Est-il permis de dormir à nouveau chez nous, de rester, de lui dire, reste à hauteur si elle veut venir nous visiter, barakallahu fi. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam, en principe, ce n'est pas interdit qu'une femme, yani si c'est une mère non musulmane, qu'elle vienne chez nous ou là qu'on aille chez elle. Ce n'est pas permis, ce n'est pas interdit. Même c'est mieux, yani, mieux en islam, yani, il est recommandé d'aller chez elle pour essayer de lui parler, etc. Comme a dit Esma, Esma radiallahu ta'ala anha, la sœur de Aïcha. Aïcha, notre mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait une sœur du même père qui est Abu Bakr, s'appelait Esma, mais pas de la même mère, car la mère de Aïcha s'appelait Asika, et la mère de, s'appelait Umm Rumman, et la mère de Esma, j'ai oublié comment elle s'appelait. Alors Esma a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma mère, yani, me veut et a besoin de moi, a besoin de l'argent, etc. Elle a ses lois, est-ce que je vais chez elle, etc. Il a dit, c'est Léa, yani, ummak. Donc, Hadith il est dans le Bukhari, donc elle peut venir chez toi, tu peux aller chez elle, etc. Mais maintenant, si elle vient pour te faire des problèmes en islam, etc., ça c'est autre chose. Naam, ça c'est autre chose. Ça, tu essaies de l'éviter pour entrer dans des problèmes. Ensuite, elle va avoir des machakils, des problèmes de santé, les nerfs, etc. Et toi, tu vas être yani, peiné, tu vas pleurer, tu vas je ne sais pas quoi. C'est pour ça, essaye de l'éviter. Enfin, essaye d'éviter Annie de la faire venir chez toi. Vous vous rencontrez, comme tu dis, à l'hôtel ou n'importe où. Et évite-la, pas en ce sens que tu n'aimes pas ta mère, mais en ce sens que si elle vient, elle va te faire des machakils, elle va te faire des problèmes. Et tu risques de, Annie, tu risques de, au lieu d'augmenter la foi, tu vas diminuer ta foi. Bi'idhnillah subhanahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala ad-din 93, tafadlan. Kiki barak Allahu, Allah an yu'inik wa an yuwaffiqak. Walaykoum salam, peut-on faire une muqabala ou bien un mariage pendant le mois de Ramadan? Quand on fait les ablutions avec ses chaussures, on passe l'eau en dessus, ses chaussures, ou bien doit-on les retirer pour passer de l'eau sur les chaussettes? Barak Allahu fik, de la façon dont on a. En ce qui concerne la muqabala ou bien un mariage pendant le mois de Ramadan, naam, pendant le mois de Ramadan, tu fais le mariage, mais tu ne m'as pas dit une chose. Tu vas rentrer chez ta femme la journée ou là tu vas rentrer la nuit? Rien de là. J'ai peur que tu rentres toi la journée. Si tu pars de la nuit, je vois pas pourquoi ça va être interdit. Maintenant, si tu... La nuit, je plaisante. Femme, naam, tu pars la nuit, pourquoi pas? Naam, c'est pas interdit de faire le mariage en Ramadan ou là de faire la muqabala en Ramadan. Naam, peut-être même c'est mieux. qu'il n'y a rien en islam qui interdit de faire le mariage au mois de Ramadan. D'ailleurs, chercher les salafs, tu trouveras sûrement peut-être qui se sont mariés en ce mois. En ce qui concerne les chaussettes, si tu mets Naam pendant la journée Muqabala, c'est pas possible. C'est possible. Pourquoi c'est pas possible? Dans la journée Muqabala, c'est possible. C'est pas interdit. Naam. En ce qui concerne les chaussettes, quand tu mets les chaussettes, tu les rentres à la wudu. Et tu fais d'abord les wudu, ensuite tu mets les chaussettes. Ensuite tu mets les chaussures. Sur les chaussettes, tu mets les chaussures. Naam. Il faut que tu rentres les chaussettes d'abord, tout en étant avec les ablutions. Ensuite, tu ajoutes les chaussettes dessus. Pardon, les chaussures dessus. Et quand tu essuies, tu peux essuyer directement sur les chaussettes. Et de préférence, c'est mieux encore pour que tu sortes des problèmes. Si tu essuies sur les chaussettes, c'est mieux. Les chaussettes que les chaussures. C'est permis sur les chaussures. Mais sur les chaussettes, c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas de ikhtilaf, inshallah ta'ala, dans les ulama. Petit musulman, tafadhal. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un dernier détail sur ma consommation à ta voix. Dois-je comprendre de votre réponse que Al-Mumahisat ne sont pas en relation directe avec ta voix, mais elles concernent l'ensemble des musulmans? Naam, jazakallahu khair, petit musulman. Voilà ce que je voulais dire. Naam. Naam. Tawba n'a rien à voir avec Al-Mumahisat. Al-Mumahisat, qui sont 10 à peu près, elles concernent toute personne, tout musulman, hein, qu'il soit pécheur ou pas. Allah Azza wa Jal, il lui donne la maladie, il lui donne certains problèmes, certaines épreuves, certaines, et comme ça, naam. Le repentir, c'est autre chose. Tu fais le repentir, khalas. Ça, c'est entre toi et Allah. Il y a trois choses que tu dois faire, comme j'ai dit. Tu t'éloignes, tu regrettes, et tu fais l'intention de ne pas faire dans l'avenir, c'est tout. Moumahissat, c'est autre chose, inshallah ta'ala. Naam. Abu Talib, je ne sais pas si Abu Talib, ta'ana ou un autre. Abu Talib, tafadlal. أبو طالب دو تفضل وجزاك الله خيرا في مسلم وعليكم السلام وحياكم الله جميعا مش كان لي لك السراحة سبحان الله العظيم سيتو أبو طالب نعم حياك الله في قاعتك حياك الله في قاعتك تو دي كويس اكزاكتومون حياك الله شيخ أمين Hafidakullah, Amin, chers frères, chers sœurs, surtout prenez le temps d'écouter. Non, jazakallahu khairan, Batal, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan, Hajar, tafadhali. Amin, jazakallahu khairan. Non. بارك الله فيك أبو طالب جزاك الله خير أم هاجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته تفضلي lorsqu'un jeune surérogatoirement et qu'une personne nous invite une sœur a entendu dire que si l'on rend on a deux récompenses est-ce vrai je ne connais pas un hadith qui dit qu'on a deux récompenses je ne connais pas Je connais le hadith qui dit que Al-Mutatawi'u amiru nafsi, incha sam ou incha aftar. Yani que quelqu'un, quand il fait le jeûne surérogatoire, il est libre. Il veut manger, il ne veut pas manger. Mais je connais le hadith qui dit que si quelqu'un t'invite, il ne dit pas ce que tu viens de dire, ce qu'a dit la sœur. Peut-être qu'il dit le contraire. Il dit si quelqu'un t'invite, si tu es en train de jeûner, tu as déjà mangé. Tu manges, mais si tu as jeûné ce jour-là, il a dit, tu lui fais des doigts. Tout salé, tu lui fais des doigts. Naam. C'est comme ça qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un nous invite, on boit. De toute façon, on va à l'invitation. Maintenant, si on est en train de jeûner, on termine, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des doigts. Jazakallahu khairan, shukran, barakallahu, ahsanallahu ilayka. Et si on avait déjà mangé, on mange. C'est-à-dire, premièrement. Mais là, j'ai quelque chose de très important à dire. C'est quoi? Si quelqu'un nous invite et on a jeûné, il faut qu'on lui dise. Non, c'est pas on va le laisser miskin du matin au soir au marché en train de courir acheter toutes les choses et puis il nous pose 5 ou 6 plats, ensuite on va lui dire on a fait le jeûne. Subhanallah. Donc lui, pourquoi il a fait tout ceci? C'est pour ça, voilà la chose importante, c'est pour ça que Cheikh Al-Albani a rapporté un hadith dans Silsila Sahih à numéro 1, il a dit Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, invité quelqu'un, et il lui a préparé comme ça des choses, et l'autre il a dit, pardon, j'ai jeûné aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il a dit, kul, mange, qad kallafta akhak, mange, tu as kallafta akhak, yani, tu as été la cause de, yani, il t'a préparé, etc., il a fait tout ça pour toi. Donc, quand on jeûne, on avertit, on dit attention, c'est pas la peine de préparer, je viens juste pour, yani, on va discuter un peu, etc. J'ai mangé. Ou bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme a dit. Ou bien tu fais comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas là-bas et tu manges. Et quand tu manges, inshallah ta'ala, on ne dira pas tu as deux ajr, mais on dira que tu as fait comme a fait, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu alayhi wa sallam a'lam. Peut-être qu'elle a dit tu as deux ajr, elle a dit comme ça de sa tête, yani le ajr. Parce que tu avais fait déjà l'intention du jeûne, et le ajr, parce que tu as mangé chez ton frère. Mais on dit, il n'y a pas un hadith qui dit comme ça, c'est tout. Om Hafsa 2006, t'as pas de l'aller. Naam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa khairatuh. Pouvez-vous nous donner un conseil à une sœur dont le mari est contre le minhaj salafi? Il ne veut pas qu'elle fréquente des sœurs juste parce qu'elle dit sur le minhaj salafi, je vous pour vos efforts, chers. Naam. S'il est contre le minhaj salafi, elle peut demander la séparation de lui. Naam. Voilà mon conseil. S'il est contre, il lui dit, tu ne parles pas avec des sœurs salafis, etc. Elle lui dit, on se sépare et tu vas toi, chez tes amis, les frères musulmans, et les tebliriens et les ahbèches et je ne sais pas qui, tu vas te marier avec une sœur de leur genre. Moi, je suis le minhaj salafi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Si tu n'es pas contre, d'accord, on est ensemble, hein, on est ensemble, d'accord. Mais maintenant, si tu es contre, tu me dis ça, moi à cause de cela, je préfère qu'on se sépare. On se sépare, chacun, inshallah ta'ala, prend sa route. Moi je prends ma route, le minhaj salafi, toi tu prends la route de je ne sais pas qui, l'ahbash ou bien l'ikhwan ou bien l'takfir ou bien mu'tazila, je ne sais pas quel chemin tu es. Donc, elle essaie de lui expliquer un peu, s'il comprend, il comprend, s'il ne comprend pas, elle lui dit, hada, firaq ou bayni ou baynik. Ici on s'arrête, et chacun, inshallah ta'ala, va vers son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je lui demande de un peu supporter. Peut-être qu'inshallah ta'ala il comprend, peut-être qu'inshallah ta'ala il va être convaincu. Il dit que le minhaj ça n'existe pas autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, naam, c'est lui qui dit cela. Dis-lui, mais maintenant, il n'existait pas. Mais maintenant qu'il existe des sectes, les 73 sectes comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu es dans quelle secte? Tu es dans quelle secte? S'il dit je suis dans celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui dis donc tu es dans ce qu'on parle. On est dans le minhaj salafi, c'est ça. Ensuite, quand il dit je suis dans la secte, la vraie, on lui dit aussi quel est le dalil? Quel est le dalil que tu es dans la vraie? C'est pas en rêvant ou là en souhaitant qu'on est dans le vrai minhaj. Il faut avoir des dalils. Il faut que ta aqida soit conforme aux autres. Il faut que ton minhaj soit conforme. Ce n'est pas en souhaitant. L'Azawjal a dit dans le Coran, « Laysa bi amaniikum wa la amani al-kitab. » Ce n'est pas avec vos souhaits ou bien le souhait des gens du livre. Ce n'est pas moi je reste comme ça. Hein, je suis takfiri et j'ai des souhaits d'être inshallah salafi. Non. Le salafi, tu apprends la salafia, tu apprends le minhaj, tu apprends le ilm, tu apprends la aqida, ensuite inshallah ta'ala tu es salafi. Qu'elle fasse des doigts, inshallah ta'ala, que Allah Azza wa Jalla guide son mari. Il lui enlève, inshallah ta'ala, inshallah ta'ala, yani, quand j'ai dit elle se sépare, peut-être j'ai été un peu fort, hein, j'ai été un peu fort. Bien sûr, elle doit, comment dire, patienter, etc., avec son mari. Mais j'ai dit qu'il n'avait pas le droit de lui faire, des entraves et des machakils pareils. Abu Zina tafaddal. C'est lui qui tombe dans le shirk al-akbar, comme ça qu'il fait pour les tombes, demander de l'aide divine à un mort, etc. Est-ce qu'il est pardonné, ma'adouf, par son ignorance, al-jahl. Deuxième question, le chokm avec les lois non divines, avec le tafsir, qu'est-ce que vous dites là sur Mohamed Ibrahim à ce sujet? Non. Je suis en train de dire en même temps autre chose. Celui qui fait le shirk, le grand shirk, s'il est jahel, il n'est pas jahel. Ça, les ulama ont beaucoup divergé sur celle-là. Mais moi, je marche avec ceux qui disent que s'il est jahel, qu'il est ma'dour. Même Cheikh Ibn Baz a dit non. Cheikh Ibn Baz a dit maintenant, il n'y a plus de jahel. Mais nous, on dit, inshallah ta'ala, que, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, que quelqu'un peut faire du kofr et il ne sait pas que c'est du kofr. Pourquoi? Parce que il vit loin des ulama, il n'a pas de... Il ne les côtoie pas, il n'entend pas les doros, etc., etc. Mais n'empêche pas qu'il aura des ismes et des péchés pour ne pas avoir demandé le ilm. Car demander le ilm est une obligation. Talabul ilm farid ala kulli muslim. Même s'il est ignorant et que l'Allah Azza wa Jal lui pardonne en ce sens, il aura des péchés. Pourquoi? Pour ne pas avoir demandé le ilm. La da'wa nijdiya, tu contredis le chef d'Aulama. Je contredis, je ne contredis personne. Je t'ai dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quand quelqu'un fait le kofre et il ne sait pas que c'est du kofre, il n'est pas kafir. C'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui a dit. Il a dit, quand quelqu'un fait le kofre et qu'il ne sait pas s'il est kafir, ce n'est pas un kafir. Moi, je ne contredis personne. Moi, je suis le délil. Quand je suis convaincu avec un délil, je marche avec ce délil jusqu'à ce que je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tous les gens du monde ont été contre ce délit. Quand je suis convaincu d'une chose, je m'attache à cette chose jusqu'à, inshallah ta'ala, que je rencontre Allah subhanahu azza wa jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un hadith où quelqu'un... Où est le délit? Le délit, c'est le Coran, mon frère. Le délit, c'est le Coran, mon frère. Écoute le délit. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سمعت الدليل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Si الهدى لم يتبين يقع الكف. الكف c'est quand الهدى يتبين. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il a dit, j'ai le Coran. Allah a dit, si الهدى لم يتبين, tu n'es pas kafir. Tu deviens kafir quand yatabiyin. Premièrement, et dans le hadith de Bukhari et les autres, l'homme qui a dit, qui ne connaissait pas la aqidah, il a dit, si je meurs, brûlez-moi, etc., etc. Le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla lui a dit, pourquoi tu as dit cela? Il a dit, par cœur de toi. Allah Azza wa Jalla lui a dit, je t'ai pardonné aujourd'hui. Pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Allah, il a dit, brûlez-moi, jetez-moi en cendres. Si Allah Azza wa Jal peut me ramener, il va me faire le adab. Celui-là, Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, subhanallah, il a dit, celui-là, nafa qudrat Allah. Il a dit, Allah Azza wa Jal ne peut pas me joindre. C'est pour ça qu'il a demandé à ses enfants de le brûler. Et Allah Azza wa Jal l'a joint et lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, j'avais peur de toi. Donc voilà le deuxième délit, premier délit Coran, deuxième délit Sunna. En ce qui concerne Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, auront beaucoup de péchés, ceux qui diront que Cheikh Mohamed Ibrahim a dit, « Man lam yahkum biman zallah fawikawum kafirun » a dit, quiconque ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir, et en même temps, qu'est-ce qu'ils font, ces personnes, et ils cachent. Il cache, il ne veut pas montrer aux gens que Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim a écrit une fatwa. Elle est partout, tout le monde la connaît. À la fin, avant de mourir, où il a dit que pour ceux qui ne jugent pas avec Hukm Biman Zallah, seulement son kafir, seulement ceux qui quoi? Yani ceux qui nient, ceux qui disent Ma la Hukm Biman Zallah, yani tekdiben. Et ceux qui jugent à cause de tentation, à cause de shahwa, à cause de ça, ne sont pas des kuffars. Donc celui qui dit, Cheikh Ibn Ibrahim a dit ceci, et il cache, quand il a dit ailleurs qu'il n'est pas un kafir, ceux-là, ils auront des problèmes demain lorsqu'ils rencontreront Allah Azza wa Jal et ils rencontreront Cheikh Ibrahim. Il va leur dire pourquoi vous avez nié, vous avez caché des choses. Vous savez que j'ai dit une fois ceci. Ensuite, avant de mourir, j'ai dit la deuxième fatwa. Pourquoi vous l'avez caché? Les takfiriens ont marché seulement sur ma première fatwa. Ils n'ont pas marché sur ma deuxième parce que vous l'avez caché aux gens. Naam. Arabe du désert, tafadhal. Où il a dit, Tildiban, c'est quoi Tildiban? J'ai pas compris. J'ai pas compris le mot Tildiban. Je n'ai pas compris le mot. Tekdiban, qu'est-ce que ça veut dire Tekdiban? Cheikh Mohamed Ibrahim a dit, dans une fatwa, il a dit que il n'est kafir que celui qui a nié. Man lam yahkum an zallah, yani qal halal, il est halal. Il a dit celui qui ne juge pas avec l'islam, mais pour une shahwa, pour kada, ce n'est pas un kafir. Inch'Allah ta'ala, si tu veux, tu viens dans le prochain dars, ou là, donne-moi ton Facebook, donne-moi ton adresse Hotmail, je t'envoie la fatwa, où il est écrit qu'il n'est pas un kafir. Comme ça, Inch'Allah ta'ala, tu vas la faire montrer aux autres et aux takfiriens pour qu'ils sachent, voilà ce qu'a dit Cheikh Mohamed ibn Ibrahim. Non, c'est pas celle que tu as. C'est pas celle que tu as. Je t'envoie une autre. Toi, tu as celle où ils disent c'est un kafir. Moi, je t'envoie celle où ils disent ce n'est pas un kafir. Enfin, envoie-moi la khor. On ne perd pas beaucoup de temps. Barakallahu fik. Envoie-moi seulement ton adresse. Quand tu la liras, réponds-moi. C'est tout. L'arabe du désert, t'as pas besoin. Tamarla, c'est pas la peine de me la donner. Je la connais, la fais-toi. Moi, je lui parle d'une autre. Lui, il me parle d'une autre. Je la connais. Lui, il me parle de celle où il a dit kafir. Moi, je lui dis, il y a une autre où il dit, ce n'est pas un kafir. C'est celle-là que je veux lui envoyer. L'arabe du désert, il ne veut pas parler. Naïma 5, ou la Naïma 5, tafadhal. Tamallah, note l'adresse de Abu Zinad. Note-la pour que tu me la donnes après le dars, inshallah. Surfillah, tafadhal. Surfillah. Tafadhal. Salam alaikum, je voudrais vous demander, Cheikh, tu peux me conseiller pour la charcuterie qui vend dans les bouchers arabes, elle est autorisée ou pas? Jazakallahu khairan. Naïm ou 5, j'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire la question avec. La charcuterie, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que c'est quelque chose qui a rapport avec la viande, mais j'ai pas compris que c'est quoi exactement le sou'el. La question, je l'ai pas compris. Le temps, Inch'Allah, que tu me fasses comprendre, je lis la question de Sœur Fille. Est-il permis à un frère d'écrire une lettre à une sœur qui voudrait épouser et la lui remettre par l'intermédiaire d'une sœur? Il n'a pas le droit de lui écrire cette lettre. Non, il n'a pas le droit de lui écrire cette lettre. Mais il demande à la sœur de lui demander si elle veut se marier. Il demande à la sœur de lui demander si elle veut se marier. Si elle veut se marier, etc. Ils font, yani, comment pour se rencontrer avec le mahram. Mais il n'écrit pas à la sœur. Et comment cette sœur pourrait refuser? Et comment cette sœur pourrait refuser? Pour ne pas vexer ce frère. Ah, si tu poses une question de vexation, elle lui montre, Nam, elle lui montre que, elle lui dit par exemple, j'ai demandé, on m'a dit que ce n'était pas permis d'envoyer, donc, jazakallahu khairan, je ne voudrais pas être, je ne voudrais pas avoir le haram comme intermédiaire. Voilà. Moi, j'allais te donner la lettre, Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que j'ai demandé. On m'a dit que c'était interdit. Donc, Allah, jazakallahu khair, ne fais pas de moi un intermédiaire. Donne, Inch'Allah, si tu veux, à une autre personne. Je ne veux pas être un intermédiaire. Comme ça, gentiment, etc. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Mon père est vieux et alcoolique. Il ne veut pas lâcher la sœur et ma mère, c'est pire. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam, wasmak, famallah, c'est aussi de ta faute. Hein? Toi aussi, tu rentres dans l'affaire avec nous. Parce que moi, quand j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit que, par exemple, on a arrêté à X, j'ai cité un nom, par exemple, là, je donne un exemple. par exemple, Oum Zakaria 3. Par exemple, j'ai dit, ça veut dire que quiconque, et j'ai dit, ne levez pas les mains, ça veut dire que quiconque allait laver la main, tu devais lui mettre un rouge. Comme ça, personne ne... Et maintenant, khlas. Maintenant, Oum Ibrahim 93, c'est la dernière, Inch'Allah Ta'ala. Oum Ibrahim. On a dit, elle profite de faire la prière, elle dit les paroles du prophète. La question de l'arabe du désert, tout le monde confirme. C'est le feu, la hawla wa la quwwata illa billah. Ousmane, l'Arabie du désert, ta question là est un peu difficile, je ne l'ai pas bien comprise. Mon père est vieux et alcoolique, il ne veut pas lâcher l'affaire, et ma mère c'est pire. Elle profite de faire la prière, il dit les paroles du prophète sur les mers. Ça, je n'ai pas compris, elle dit les paroles du prophète sur les mers sont les meilleures, c'est toutes les mers. Mais elle fait le feu dans le foyer. Elle retourne tout le monde contre tout le monde, c'est le feu. Que doit faire les quitter? Les abandonner, je ne sais pas. La hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Je comprends que tu as des problèmes avec ton père et ta mère. Et surtout avec ta mère, tu dis qu'elle fait des problèmes, etc. C'est ce que je comprends, Allah ta'ala. Naam. Sah. Le paradis est sous ses pieds. Si elle est sainte, le paradis est sous ses pieds. Si elle est pieuse, sinon il y a l'enfer sous ses pieds. Il n'y a plus de paradis, il y a l'enfer qui est sous ses pieds. Dis-lui que le paradis est sous tes pieds quand tu es pieuse. Naam, c'est pas quand on a une langue de vipère. Naam. Et quand on se bat, on est allé en prison. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, yani, il faut défendre son âme. Qu'est-ce que tu veux, yani, si tu peux t'éloigner, éloigne-toi, Inch'Allah Ta'ala. Si tu peux t'éloigner, dis-moi ce que je dois faire. Wallah, c'est difficile de te dire comme ça, voilà, fais ceci, fais cela. Yani, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui rentrent en milieu, je ne les connais pas. Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Si tu sens que ça va finir par un meurtre ou là quelque chose, la chose est très simple, tu t'éloignes d'elle. Naam, tu t'éloignes d'elle, tu changes même de ville. Tu t'éloignes d'elle, tu restes seulement yani, par téléphone. Tu la communiques par téléphone et tu viens la voir de temps en temps, c'est tout. Naam, éloigne-toi d'elle au maximum. Sinon, comme tu as dit toi, ça va se terminer par un meurtre, c'est la yadou billah. Après, c'est l'enfer. Donc, essaye de t'éloigner d'elle, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Inch'Allah Ta'ala, éloigne-toi d'elle. Naam. Allah al-Musta'an, tu es dans des épreuves. J'ai dit tout à l'heure que Allah Azza wa Jalla nous donne des épreuves. Des fois c'est le père, des fois c'est la mère, des fois c'est les enfants, des fois c'est l'épouse, des fois c'est le responsable au travail. C'est comme ça qu'on vit, mon frère. Wa laqad khalaqna al-insana fi kabd. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, laqad khalaqna al-insan fi kabd. On a créé l'être humain fi kabd. Fi kabd, yani, yukabid al-mashakil. On a créé l'être humain en train de, yani, se battre avec les problèmes, les mashakil. Donc, inshallah, tu as beaucoup d'âge si tu patientes. Éloigne-toi un peu d'elle, yani, un certain temps. Hatta inshallah ta'ala. يعني يعقلها الله سبحانه وتعالى وينزل في قلبها الرحمة وفي beaucoup de dua الله سبحانه وتعالى qui la guide peut-être quand tu t'éloignes un peu inshallah ta'ala peut-être que يعني inshallah ta'ala elle va être beaucoup plus consciente. Naam, voilà, je n'ai plus rien à te dire. Inshallah ta'ala, tu reviens vers Allah سبحانه وتعالى qui a tous les cœurs entre ses doigts. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la guide, tu t'éloignes un peu d'elle, tu t'éloignes un peu, un mois, deux mois, yani, laisse-la un peu seule, comme qu'il fait peut-être que ça va lui travailler, inshallah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, an ijma'a bayna qulubikum bi'idhna azza wa jal. Oum Zakaria 3, tafadlali. Naam, qu'Allah t'aide toi aussi, qu'Allah t'aide et t'ouvre ses portes et descende la sakina dans vos cœurs, inshallah ta'ala. Tafadlali Oum Zakaria, ensuite Ilyes et Latifa. Tafadlali. Bon, Oum Zakaria peut-être qu'elle n'est pas avec nous. Ilyes, Ilyes, tafadlali. Ilyes 77, tafadlali. Salam alaikum wa rahmatullah. Comment peut-on répondre aux choubouhet d'Ahlul Bida qui servent sur Hadith dans le sens que les prises de rapportement parole le comprennent mieux que celui qui l'a entendu directement? Je ne vois pas c'est quoi ce hadith, hein? Que les présents transmettent aux autres. Non, Shahid, yubler minkum Shahid al-Ghaib. Non. Car il se. Ceci pour dire qu'il se peut qu'on comprenne le dîn mieux que les Sahaba. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Qui se sert ce hadith, que les présents transmettent aux enfants, que c'est tout, que celui à qui on rapporte nos paroles comprenne mieux. C'est pour dire que, qu'il se peut qu'on comprenne le dîn mieux que les sahabes. Non, jamais, jamais ce hadith ne veut dire qu'on peut comprendre mieux le dîn que les sahabes. Jamais. Ceux-là le disent, ceux qui sont passés à la fille, bien sûr, ceux qui sont passés à la fille, et qui disent que on peut être plus savant, non, on peut être plus savant que yani, les salafs. On peut être plus savant que les salafs. Et bien sûr, cela se trompe. Cela se trompe. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud dans le hadith sahih, tu connais le hadith, il a dit que Allah Azza wa Jal, quand il a voulu descendre la risala, il a vu les cœurs de toutes les créatures, il a trouvé que le meilleur cœur, c'était le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a vu dans les cœurs, il a trouvé les meilleurs cœurs, c'était les cœurs des compagnons. Il les a choisis comme compagnons. Donc, ils ont les meilleurs cœurs. Et quelqu'un qui a un meilleur cœur comprend mieux que celui qui a un cœur souillé. Et un cœur plein de bidah et plein de choses qui sont fausses. Donc, les sahabas sont mieux que nous. On ne peut jamais comprendre le dîn comme eux, ou bien il y en a mieux que eux. Le hadith a dit, naam, le hadith a dit que quand quelqu'un peut entendre quelque chose, et ne pas la comprendre, ne pas bien la comprendre. Et quand toi tu dis le hadith à un autre, il se peut que cette personne, par exemple, soit yani, plus instruite que toi. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il a entendu le hadith, il le dit à quelqu'un qui, par exemple, c'est un professeur à la fac, celui-là, il connaît bien l'arabe, etc. Il va mieux le comprendre que l'autre. C'est tout. Mais il n'a pas dit que nous, on peut comprendre mieux que les sahaba, etc. Eux, ils ont des hadiths spécialement pour eux, pour montrer que ce sont les meilleurs. Ils ont même le verset qui montre qu'ils sont les meilleurs après les prophètes. Ce sont les meilleurs gens après les prophètes. Et c'est pour ça que jamais quelqu'un ne peut être comme eux ou là avoir le ilm, alors comment dire, les dépasser. Inch'Allah ta'ala, je te parlerai de cela en plus de détails, Inch'Allah, parce qu'il y a des détails que je n'ai pas parlé maintenant, que Cheikh l'Islam a donné, parce que je veux terminer très vite, Inch'Allah ta'ala. Pardonne-moi. Oum Zakaria a dit, Naam, pour le hadith parlé sur le pied de paradis, il daif, l'Albani, mais ça ne se passe pas sur le Naam. J'ai dit que le hadith de le paradis se trouve sur le paradis des pieds des mers, il est daif, naam. Mais Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith de celui du djihad. Il lui a dit, reviens vers ta mère, le paradis se trouve sous ses pieds. Ce hadith, c'est un hadith hasan ou sahih. Mais l'autre, comme ça en général, Cheikh Al-Albani a dit qu'il n'est pas sahih, naam. Ça, je l'ai déjà dit une fois. Oum Zakaria, où est sa question? Fika barakallah. Oum Zakaria, où est-ce qu'elle a sa question? Mon mari a des doutes dans ses actions d'adoration. À chaque fois, Shaitan lui insuffle des pensées qui fait sortir de l'islam. Il recommence au moins six fois ses ablutions à cause de cette intention, de ses intentions. Non. Je ne comprends pas comment il a des doutes ou la wasmou qui font partir, sortir de l'islam. L'islam, on ne sort pas de l'islam comme ça avec yani, facilement avec des pensées. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أخي فيه صوت أخي تام الله فيه صوت فيه صوت نعم أم إبراهيم تفضلي والله جي أوبلي سكو جو ديزي جي ديكونيكتي سي ديفيسيل دو رونتري أونكور أون فوا نعم جي أوبلي سكو جو ديزي Je disais à la sœur qui disait que son mari ou la je ne sais pas qui avait des problèmes de wudu, etc. J'ai dit que le shaitan ne peut pas faire sortir quelqu'un de l'islam. Comme ça, avec en lui insufflant des fausses pensées, etc. On ne peut pas. On est toujours musulman, inshallah ta'ala. Le shaitan ne peut pas me faire sortir de l'islam en m'insufflant des choses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a montré comment je le contre, comment je me vaccine, quand il me dit des choses, je dis, je crache trois fois à gauche, Amantu billahu bi rusulihi, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Mais je sors de l'islam quand j'insulte Allah, quand je crache sur le Coran, quand je marche sur le Coran. Il y a des choses, si je les fais, je sors de l'islam. Mais quand le shaitan me dit des choses dans ma tête, je l'écoute pas, je dis à Oudoubla, Mishitan Rajim, et je termine les ablutions et ma salat, Inch'Allah Ta'ala, et je suis pas obligé de faire les ablutions 5-6 fois. Je fais 3 fois, et quand il vient me dire quelque chose de shaitan, je lui dis à Oudoubla, Mishitan Rajim, et je n'ajoute pas la quatrième. Comme ça, pour le contrer. Oum Ibrahim, tafadlali. Il a des accès de colère, naam. Il a des accès de colère, ça c'est le shaitan qui rentre aussi. Shaitan aime la colère. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Donc, quand quelqu'un est pieux, etc., quand le shaitan vient l'énerver, يَتَذَكَّرُ. Il dit, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et quand, bien sûr, quand on ne connaît pas bien le dîn ou des fois on est énervé, etc., il se peut qu'on fasse des choses, on dise des choses. يعني, des fois, on est même pardonné. Si la colère était très grande, il me frappe et m'injure. Non, si des fois la colère est très grande et on ne sait pas ce qu'on fait, on est pardonné. Car Moussa alayhi salam a jeté la Torah quand il était énervé. Il a jeté la Torah et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit tu es devenu kafir. Wa alqa al-alwah wa lam yaqul lahu kafarta ma'annahu alqa al-alwah. Limada li'anna al-ghadab kana fi a'la dhirwatihi. Lakin c'est quand on est comme ça conscient que il me pardonne, mais je lui pardonne pour Allah. Naam, toi tu le pardonnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le pardonnes pour Allah et il a des problèmes dans sa foi. Naam, ces problèmes, ce n'est pas facile à les régler. Des problèmes dans la foi, il faut qu'il écoute des doros, il faut qu'il suive les savants, il faut qu'il aille à la mosquée, il faut qu'il lise des livres. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas que toi tu vas lui dire, il va être convaincu, ce n'est pas comme ça, ni très facilement. Toi, tu fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi, on fait des doigts pour toi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide et qu'il le calme. Il fait tout. Sa mal, il n'arrive pas. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. Ça, c'est pour que les sœurs, les autres sœurs qui vivent avec des maris, qui sont pieux et qui sont des ilm, etc., de remercier beaucoup Allah subhanahu wa azzawajal. Vous voyez, il y a des gens, il y a des femmes, nos sœurs, yani certaines, comment qu'elles vivent, yani elles vivent difficilement, elles vivent avec beaucoup de problèmes. C'est pour ça que chaque sœur doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que son mari, yani, soit sérieux, qu'il soit, yani, quelqu'un qui ne soit pas quelqu'un de problème, comme on dit. Il a à s'en sortir de ses péchés. Jazakallahu khairan. أحبه الذي أحبني فيه. نعم الأخت زكريا. C'est comme tu dis, c'est un peu long et un peu difficile. Seul Allah subhanahu wa ta'ala qui tout est facile pour lui. Allah Azza wa Jalla pour lui il n'y a rien de difficile. Toi tu fais des doigts, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, de l'aider, d'aider son mari et de t'aider toi et de te faire une solution. Parce que tu vis une vie difficile. Tu vis une vie difficile. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui tout est facile pour lui. De yani, calmer ton mari et de l'aider, de lui faire une solution à lui ou bien de te faire une solution à toi. Et fais beaucoup la prière la nuit. Fais des siyams surérogatoires Et pendant le siyam, tu fais des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera pas. Allah azza wa jal t'aidera et t'ouvrira ses portes. Amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khairan, shukran, barakallahu fik. Ahsan Allah ilik. Umm Ibrahim 93, tafaddali. C'est la dernière, inshallah ta'ala, tafaddali. Wa alaykoum salam, je voudrais savoir s'il faut se couvrir les cheveux quand on lit le Coran, barakallahu fik, jazakillahu khairan. Non. Il n'y a aucun dalil qui dit on se couvre la tête. Et ceux qui le font, c'est une bida. Celui qui se couvre la tête à cause du Coran, il est rentré dans la bida. Ça veut dire qu'il croit, adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses qu'il a tirées de sa tête. Car quand il fait cette chose, on lui dit, donne-nous le verset ou donne-nous le hadith. Il ne va pas trouver. Alors donne-nous que Aïcha radiallahu ta'ala cachait sa tête, ou bien Hafsa, ou bien Salama, il ne va pas trouver. Donc on va lui dire, tu fais de la bida. Il n'y a aucun hadith, aucun dalil qui dit, quand la femme lit le Coran, elle doit cacher ses cheveux. Et ce qui fait rentrer aussi dans la bida, c'est que j'ai entendu que certaines sœurs cachent aussi, quand il me l'a dit cette personne, j'ai ri, ensuite je me suis dit, subhanallah l'adim, quand quelqu'un n'a pas de haine, il peut faire rien plus que ça. Certaines sœurs cachent leurs cheveux, même s'il n'y a personne à la maison. Toute la journée, elles ont le khimal sur la tête. Pourquoi ma sœur, tu fais cela? Elle dit, je cache ma tête à cause des anges. Les anges sont avec nous, je veux pas qu'ils voient mes cheveux. La hawla wa la quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils sont avec toi, ils voient tes cheveux. Pardon de ce que je vais dire. Hein. Et quand tu es avec ton mari la nuit, yani, il ne voit pas, il voit seulement. Comment tu fais quand tu es avec ton mari? Tu ne vois pas? Maintenant, moi, j'arrête ici. Déjà, il est l'heure. Et moi, quand je dépasse l'heure, je peux me tromper. Hein, je commence à dire yani, des mots halal au lieu de haram, haram au lieu de halal. N'oublie pas de remercier le Cheikh, soit par des aimants, il en a même fait signer, c'est ce qu'ils sont au point. Naam, jazakum Allah khairan, barakallahu fikum. Notre prochain dars, inshallah ta'ala, c'est lundi. Tamala, est-ce que c'est lundi? Ou là, je me trompe, dis-moi, corrige-moi. Est-ce que c'est lundi ou là, c'est dimanche? Parce que je n'ai pas le devant moi. Naam, est-ce que c'est dimanche ou là c'est lundi? Dimanche, barakallahu fik. Donc le prochain dash, sallallahu ta'ala, c'est dimanche. On termine ce qu'il y a le siyam. Jusqu'à dimanche, sallallahu ta'ala, on se reverra. Je vous laisse dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirukum Allah alladhi la tadi'u amanu la tadi'u wada'u. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.